Et Twitzil de Léans Vouet, la lance blanche et l'offer blanc. S'en hissent une goutte de sang d'offer de la lance en sommette et jusqu'à la main en valette. Il voit arriver un jeune homme qui porte une lance blanche et d'où pointe une goutte de sang. Une goutte de sang coule du fer de la lance jusqu'à sa main. Attente d'huit autres valettes vinre qui chandeliers en leur main steindre, de fin or, ovret sanel, les valettes et soient mortes belles qui les chandeliers apportent. Donc il voit arriver d'abord deux jeunes hommes qui portent des chandelles, des chandeliers remplis de chandelles. En chasse qu'un chandelier ardointe, dit chandway à tos lomans, un graal entre ses deux mains, une damoiselle tenouette qui avio les valettes venouettes. Puis arrive une demoiselle qui tient entre ses deux mains un graal, et belle et jante et bien sonnée, quand elle fut l'ayant centrée, à tot le graal qu'elle teinte, une si grande clarté se y vinte, qu'aucine perdirent dans les chandelles leur clarté comme les estuelles, quand les solos luisent à la lune. Et quand elle arrive, la clarté du Graal, qui est si richement ornée de pierres précieuses, la lumière de ce Graal éclipse les chandelles comme le soleil et la lune éclipsent les étoiles quand elles entrent dans le ciel. Un Graal entre ses deux mains, une demoiselle tenait. Qui, avec les valets, venait. Ôtez donc vos armes avant que je ne vous désarme. Si vous dites encore un mot, je vous frapperai aussitôt. What is your quest? To seek the Holy Grail. Y a un doute sur le Graal. On n'est pas vraiment fixé sur ce que c'est. C'est plus un vase? Alors, si, sûrement. Enfin, il y a de grandes chances. Bon, il serait possible que le Graal soit une corne d'abondance. Oh non, mais vous vous foutez de moi. Enfin... On n'est pas sûr. Hein. Mais c'est bien ce que je vous reproche. Qu'est-ce que je cherche, moi, maintenant? Si ta vie est longue, il y aura partout le monde nul meilleur chevalier que toi. C'est ainsi que je pense et crois. Rex Condam, Rex Quae Futurus. Épisode 7. Perceval ou le Comte du Graal. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Quondam Rex Quae Futurus. Bonjour Antoine. Salut Laïs. Bienvenue à tous dans cet épisode qui va conclure notre trilogie sur Chrétien de Troyes. On a vu deux de ses œuvres à chaque fois dans nos deux derniers épisodes, donc on en a vu quatre, et on va voir la cinquième de ses romances, dont on pourrait presque dire que c'est la plus importante, son Perceval ou le Comte du Graal, où c'est là qu'on va voir pour la première fois le Graal, qui va être un élément extrêmement important de la littérature arthurienne. Oui, et c'est pour ça, en fait, finalement, que Chrétien est surtout connu en dehors de France, je dirais. En France, l'influence du Lancelot a été telle que c'est souvent le Chevalier de la Charrette qu'on fait lire. En dehors de ça, j'ai l'impression que Chrétien est surtout important pour son introduction du Graal, dans beaucoup de littérature secondaire arthurienne qui va suivre, et surtout à partir du 19e, 20e siècle, où on va commencer vraiment à beaucoup travailler dessus, en fait. À beaucoup théoriser, parce qu'en fait, ce livre est inachevé, il nous donne pas... On a des éléments de réponse sur ce que signifie cette procession du Graal que Perceval aperçoit. Et d'ailleurs, la quête du Graal dedans, elle est achevée. La quête du Graal, telle qu'elle est posée, en tout cas, à Perceval dans l'œuvre, il l'a remplie, du moins pour ce qui est du Graal. Plus ou moins. Bon, donc on va le voir dans quelques instants, c'est pas aussi... ésotérique finalement qu'on pourrait le penser au vu de tout ce qu'on a voulu lire dans le Graal. Voilà, vu certains aimeraient voir un sens ésotérique peut-être plus profond, mais on a déjà des éléments de réponse, même si le livre n'est pas fini et que notamment la lance qui saigne et qui accompagne le Graal n'a pas ces éléments de réponse. Mais comme on n'a pas la fin, un des gros problèmes de cette œuvre, c'est qu'on a l'impression que tous les éléments qu'on a dedans, ce sont des pièces du puzzle qui attendent d'être assemblées. Donc on tend à, quand on la résume, on tend à ne rien oublier, alors qu'avant, dans les œuvres précédentes, on voyait assez bien comment on connaît l'histoire en entier, où sont les grands thèmes, comment est-ce que l'arc narratif se développe, mais comme là, il n'est pas achevé, on a tendance à croire que tout est important, et dans le résumé, on a tendance à tout inclure. Et malheureusement, c'est ce qu'on a fait dans une première version de cette émission, qui s'est retrouvée être beaucoup trop longue. Donc malheureusement, cette fois-ci, on va devoir résumer beaucoup plus. Donc si vous connaissez ce livre, si vous l'avez lu, vous remarquerez qu'on passe sur certaines choses, et malheureusement, comme d'habitude, on ne pourra pas remplacer la lecture de ce livre. Faut dire aussi que, voilà, si vous pensez qu'un élément sur lequel on est passé est essentiel pour comprendre le Graal, pour comprendre l'œuvre, c'est peut-être effectivement une lecture qu'on pourra pas faire simplement en écoutant notre épisode. On ne veut en tout cas pour celui-ci que vous présenter les larges thèmes, disons, et peut-être ce qui a le plus d'influence après, quoi. Only the facts, man. The facts. Alors les faits avec Perceval, c'est toujours un peu difficile. Alors bon, le problème, c'est aussi qu'il est dans un état un peu plus, on va dire, abîmé que les autres œuvres de Chrétien de Troyes. On va vous faire un petit point sur les éditions. Encore une fois, moi j'ai utilisé celle de Poirion à la Pléiade. Il s'est appuyé sur le manuscrit de Guillot, qui est un peu la copie de base, sauf qu'il est, disons, il a beaucoup abrégé. Guillot a enlevé beaucoup d'éléments peut-être merveilleux, ce qui peut poser problème, et donc il le corrige à partir du manuscrit de Berne. Le manuscrit de Berne, qui conservait la Burger Bibliothèque, donc la bibliothèque des bourgeois de la ville de Berne, est un manuscrit un peu assez intéressant parce qu'il se comprend. Il est le seul manuscrit de Chrétien, le seul texte de Chrétien dans un livre qui contient des sources assez diverses, dont notamment d'autres sources arthuriennes, contrairement à la copie de Guillot, qui est une copie intégrale de Chrétien. Il contient des bouts qui ne sont pas chez Guillot, justement, et il est, disons, la source principale de l'édition que moi j'ai utilisée, celle de Charles Mella. Il faut dire aussi que sa langue est légèrement différente, elle est bourguignonne, donc c'est un français un peu différent de celui à la fois de Chrétien et du manuscrit de Guillot. Mais, disons, elle offre des sources intéressantes, et de toute façon, Mella s'appuie aussi sur les autres textes. Il faut préciser que Perceval a une vie manuscrite beaucoup plus importante que ses quatre précédents romans. Il y a 15 manuscrits qui contiennent des versions, plus ou moins complètes de Perceval. Donc, c'est aussi une œuvre qui a connu une certaine postérité manuscrite, en tout cas. Plus quelques fragments, les fragments d'Annonay et de Lannoy, qui ont été édités à part, mais qui sont aussi peut-être un peu intéressants. Sans compter toutes les continuations et... Voilà. L'influence plus large du texte, ses suites, et aussi les textes comme le Père Lesvos, par exemple, qui sont des suites un peu plus élaborées que des continuations. Voilà, plus difficile à classer. Donc Perceval, oui, beaucoup de gens vont essayer de conclure cette histoire, on va les examiner dans la suite de l'émission, les continuations, Robert de Boron, etc. D'autres gens vont donner d'autres conclusions à cette histoire, à cette création littéraire qu'est le Graal. Il faut dire, bon, quand on parle de variantes, parce qu'effectivement il y a beaucoup de variantes, comme c'est écrit en vers, c'est très difficile de modifier substantiellement le texte, en fait. Donc, très souvent, c'est deux vers qui deviennent quatre vers qui deviennent deux vers. Comme ça rime, on peut pas modifier le texte comme on veut, c'est des petites variantes. Mais il y a quand même des passages plus substantiels qui sont changés. Typiquement, des passages de 12 ou 22 vers, et aussi un passage de 140 vers. Il y a un épisode où Gauvin se bat contre la commune, il y a tous les bourgeois, tous les gens d'Escavalon qui se jettent sur lui, et il se défend en prenant un échiquier comme bouclier, et il y a une dame qui jette des pièces d'échecs sur la foule qui assaille Gauvin. Donc c'est très burlesque, et probablement que Guillot, quand on peut voir un peu la personnalité du scribe, il aimait pas ça. Donc il l'a résumé en 4 vers. Donc vous passez de 140 lignes à 4 lignes, vous avez quand même pas mal qui part, donc ça peut être pas mal d'avoir des éditions un peu réfléchies. Faut dire aussi qu'avec à peu près 9060 vers, Perceval est le plus long des romans de Chrétien. Oui. Je crois que Lancelot fait à peu près 7000, à peu près pareil pour Yvain, les deux premiers sont encore un peu plus courts. Donc il y a pas mal de matériel qui peut être potentiellement supprimé, non seulement parce qu'il est potentiellement un peu bizarre pour Guillot, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à réconcilier peut-être pour certains autres auteurs. Alors comme d'habitude, on va commencer par un résumé, un synopsis, on va vous raconter tous les événements du livre avant de vous parler des interprétations et à la fin de cet épisode de vous donner le secret du Graal, on vous donnera le vrai secret, refusez les imitations, consultez uniquement Rex Quondam, Rex Quae Futurus pour vos secrets ésotériques de la littérature arthurienne. En gros, le conte du Graal est articulé autour de deux histoires, vous avez celle de Perceval qui quitte sa cambrousse où il vivait pour rejoindre la cour du roi Arthur, devenir un chevalier. Mais il voit une procession étrange, il n'ose pas poser une question, parce que quand il a appris à être un chevalier, on lui a dit arrête de poser des questions bêtes, parce qu'il était un peu naïf poser des questions bêtes. Il laisse passer cette opportunité de s'informer dessus, et on lui dit, mais si t'avais posé la question, t'aurais pu sauver ce pays, la terre aurait été rafraîchie, régénérée, et le roi aurait été sauvé. Et du coup, il se dit, je vais me mettre en quête de ce Graal. De l'autre côté, il y a une deuxième branche qui se déploie à ce moment-là. D'autres aventures sont déclenchées par une demoiselle qui arrive à la cour et qui accuse Perceval d'avoir échoué. Et d'autres chevaliers vont tenter ces aventures, dont Gauvin. Mais quand Gauvin va partir, il est accusé par un chevalier d'Escavalon d'avoir tué son seigneur traîtreusement. Donc il part pour se défendre à ce combat judiciaire, et on lui dit « il faudra que tu trouves la lance qui saigne », qui était un autre élément du cortège. Ensuite, on a encore un petit épisode de Perceval où il rencontre un de ses oncles, qui est ermite, qui lui révèle une partie du secret du Graal. On revient aux aventures de Gauvin, qui arrive dans un château merveilleux où il y a des membres de sa famille, en fait, sa sœur, sa mère et sa grand-mère. Et l'histoire se finit juste avant un autre combat judiciaire, basiquement. Il faut dire aussi que simplement le fait qu'il soit achevé nous empêche effectivement de porter presque plus attention aux choses qui s'avèrent les plus importantes, et il n'y a pas d'éléments... C'est difficile de faire une hiérarchie des éléments dedans, exactement. Donc, peut-être pour résumer avant tout le contexte dans lequel, comme les autres romans de Chrétien, ce roman-ci est écrit. Chrétien nous dit dans sa une introduction qui est assez longue par rapport aux autres romans d'ailleurs, qu'il écrit pour Philippe de Flandre, Philippe d'Alsace, le comte de Flandre, qui, dit-il, lui a donné la matière, donc de nouveau, hein, comme sa dame de Champagne, pour écrire le livre du Graal. Donc c'est assez ésotérique, il parle notamment de citations de l'évangile, des bienfaits, de la charité. Donc ça a aussi été influent probablement dans la lecture qu'on a voulu faire du Graal. C'est plus spirituel déjà dès l'introduction. Et il nous dit qu'il va donc rimer le meilleur conte qui soit conté en cour royale, le livre, le conte du Graal. Donc le fait que le Graal apparaisse déjà dans le titre pourrait être un indicateur de l'importance du Graal. Bon, encore que le chevalier de la charrette, on n'en parle pas beaucoup finalement dans Lancelot. Donc voilà un peu le contexte dans lequel il écrit. Le fait que ce soit Philippe de Flandre, c'est pas non plus forcément un hasard, puisqu'on va le voir, Philippe de Flandre a été à la croisade, il a potentiellement des liens avec des reliques du Christ, dont la lance, voilà, la Sainte Lance. Il y a tout ce commerce des reliques dont on a dit qui influence beaucoup l'imagination à ce moment-là. Voilà, donc on a voulu lire beaucoup de choses. On ne sait pas si elles sont effectivement toujours très sûres, parce que Chrétien ne dit pas grand-chose. Mais enfin, il ne faut pas oublier que ça s'écrit de nouveau, donc, pour résumer, dans ce contexte très similaire. Il écrit, c'est un poète de cour. Voilà, c'est l'essentiel de ce qu'on peut dire. Donc, le conte commence au printemps. Là, on n'est pas à une fête particulière, puisqu'on n'est pas à la cour d'Arthur. C'est le seul roman qui ne commence pas directement à la cour d'Arthur. Perceval vit dans la déserte forêt perdue, la gaste forêt soutaine. Il est le fils de la veuve d'âme, une dame qui s'est réfugiée dans ce bois après la mort de toute sa famille. Il a été élevé seul avec les servants de sa mère et quelques membres de sa famille. Et un jour, il voit arriver des chevaliers qu'il prend d'abord pour des diables. À cause du bruit qu'ils font. À cause du bruit et ils font fuir probablement les animaux devant. Mm-hmm. Ils dérangent sa chasse. Puis il les voit, il les trouve si beaux qu'il pense qu'ils sont des anges. Et il leur demande ce qu'ils sont, d'où viennent leurs belles armes, que sont-ils, que font-ils là. Et eux, en fait, sont à la recherche d'un groupe de jeunes personnes qui sont apparemment en train de fuir ou qui... On ne sait pas très bien qui sont ce groupe. Non, c'est un des éléments qui... On ne sait pas s'il aurait répondu dans l'histoire si c'est important ou si c'est purement trivial. Mais ils sont à la recherche d'une compagnie et on n'en entend plus jamais parler. Voilà. Alors, ils sont rapidement un peu époustouflés par ce jeune homme qui leur pose beaucoup de questions et qui écoute à peine leurs réponses et qui ne sait pas leur dire exactement ce qu'ils veulent, mais finit par les guider plus ou moins sur la lance des jeunes hommes en suggérant que des serpents de sa mère ont peut-être entendu parler d'eux. Et eux, en échange, lui expliquent ce que c'est une armure, ce que c'est un chevalier, ce que c'est... en fait, plus ou moins toutes les choses de la vie en fait, que Perceval n'a jamais vues, parce que sa mère l'a délibérément créée à l'écart, parce qu'elle lui explique que son père était un seigneur des îles de la mer et que elle voulait lui épargner à Perceval le destin de ses frères qui ont tous les deux été faits chevaliers, qui sont morts au combat juste après. Du coup, lui, dans dans une bataille inconnue. Et lui, par contre, veut terriblement suivre ses beaux chevaliers. Il est tellement... il trouve l'idée tellement magnifique, tellement merveilleuse, qu'il veut aller à la cour du roi Arthur pour lui demander des armes. Et lui donne finalement permission de partir, de quitter la forêt, d'aller à la cour du roi Arthur. Il part avec un javelot et en tenue de gallois, quoi, puisqu'il est vraiment... Des fringues assez russes. Il passe pour un plouc, parce qu'il vient de la forêt, il a beau être de noble ascendance, il est très... Il semble être un paysan, guère plus qu'un paysan pour les chevaliers qu'il va croiser. Et elle accepte de le laisser partir après lui avoir enseigné quelques bases de la religion, notamment à se rendre toujours dans les églises pour prier Jésus et à bien aider les demoiselles et à accepter les cadeaux qu'elles lui font et à les embrasser si elle l'embrasse. Quelques conseils qui vont rapidement être mal tournés pour Perceval. Et il part donc pour chercher la cour d'Arthur pour se faire chevalier. Et derrière lui, il la voit qu'il s'évanouit alors qu'il part, en fait, qu'elle tombe. Oui, il la voit comme morte, dit le texte, à un jet de pierre derrière lui alors qu'il passe un pont qui marque la sortie de leur domaine. Et il se pose pas de questions apparemment, mais plus tard justement ça va lui trotter dans la tête et il va se dire il faut que je me demande ce qu'est devenue ma mère. C'est une caractéristique importante de Perceval en fait. Il a de la peine à faire le lien entre ce qui lui fait face et ce qu'il doit faire. Et c'est quelqu'un diffère ses actions beaucoup. Il le fait après coup. Et ça va lui poser des problèmes. Une chose qu'il faut noter aussi, c'est que le père de Perceval, on dit que c'était le meilleur de chevalier de toutes les îles de la mer, justement. Les îles de mer, c'est une espèce de région mal définie, mais qui revient régulièrement, et peut-être des gens qui sont antagonistes d'Arthur, dans cette logique d'Arthur conquérant, qui doit d'abord conquérir les îles. On nous dit d'ailleurs qu'il sort d'une guerre. On dit qu'il a été blessé parmi les jambes, donc ce qui peut vouloir dire entre les jambes, à travers les deux jambes, enfin c'est pas très clair, et que c'est ça qui aurait déchu de sa situation. Son royaume serait, son domaine serait allé à volo et il se serait réfugié dans cette gaste forêt. Et puis quand il a appris la mort de ses deux fils le même jour de leur adoubement, eh ben, il est mort de chagrin. Un autre élément qu'on peut noter, un des frères de Perceval a été faire son éducation chevaleresque chez le roi d'Escavalon, chez le seigneur d'Escavalon, et ça va revenir. Et donc on a un peu un réseau, on voit un réseau de connexions entre différents personnages, seigneur des îles de mer, roi des îles de mer, roi des îles de mer, Escavalon, qui est peut-être lié à Avalon, l'île qui serait liée justement à la fée Morgane. On a un réseau de significations comme ça qui est pas très évident ce que ça va signifier, mais si l'histoire du Graal révèle en fait un drame familial, pour reprendre les mots de Poirion, peut-être que c'est important. Et puis, il faut aussi noter qu'à ce moment-là, Perceval ne sait pas son nom. Oui. Perceval part, quand les chevaliers de la compagnie qui traversent la forêt lui demandent son nom, et il dit que son nom est Beaufils. Biofitz. Il lui demande s'il a un autre nom, il essaie de tirer un nom. Et non, sa mère ne l'appelle pas par aucun autre nom que Beaufils. Et d'ailleurs, le narratif l'appelle toujours Valet. Le Valet, ou le Valet, le jeune homme, en fait, ou le chevalier après. Donc il est, pendant assez longtemps, jusqu'à en fait, son échec face au Graal, il va rester anonyme. Non seulement au-dessus du monde, mais à ses propres yeux, en fait. Il ne sait pas son nom. Jusqu'à ce que, en fait, il rencontre quelqu'un et que le texte nous dise qu'il devine pratiquement son nom. Genre, il le connaissait pas, mais il devine le nom qu'il porte manifestement. Donc, c'est pas la même chose que Lancelot qui est anonyme à dessein, enfin, qui est un peu caché. Là, Perceval est véritablement occulté à ses propres yeux également. Donc, il arrive, avant d'arriver à la cour, il y a encore un épisode qui va être important plus tard, c'est celui de la demoiselle de la tente. Il arrive près d'une tente et il croit que c'est un moutier, donc justement un endroit où on a une église d'évangélisation. Ouais, une église missionnaire, un minster en anglais, on appellerait ça. Il comprend mal les conseils de sa mère, donc il dit « Ah, il doit y avoir des reliques là-dedans, c'est vrai que les moutiers sont les plus belles choses qu'il y a sur Terre. » Il entre dedans, il y a une demoiselle là qui est un peu terrifiée de voir ce gallois rustre qui se jette dans sa tente, et lui, il comprend mal les conseils de sa mère, qui lui a donné une espèce de conseil de bienséance par rapport aux dames, et il lui arrache un baiser de force, il se jette sur elle, donc c'est bon, une agression sexuelle en règle, il lui arrache son anneau, parce qu'elle lui dit « Ah, si elle vous donne un anneau, vous pouvez », bah là, il lui arrache son anneau de force avec une jolie émeraude. Et ensuite, il se met à manger des pâtés qui sont là. La dame, elle pleure. Il boit du vin clair, tout serein. La dame, elle pleure parce qu'elle dit, son compagnon, on ne sait pas si c'est son mari, mais disons, quand son mari, entre guillemets, va rentrer, elle va passer un sale quart d'heure s'il apprend qu'elle s'est fait embrasser. Perceval s'en fiche, il finit par partir. Le compagnon rentre, qu'on appellera plus tard l'orgueilleux de la lande, il est furieux quand sa femme lui avoue qu'elle se fait voler son anneau, qu'on leur a pris leur nourriture, et qui plus est, qu'elle se fait embrasser, puis dire « Ah, les femmes, en fait, elles font semblant, mais en fait, je sais très bien que ça leur plaît quand elles se font agresser, qu'elle a fait exprès pour se dédouaner. » Il lui dit qu'il la condamne à chevaucher avec lui, sans changer de vêtements et sans que son cheval soit nourri, jusqu'à ce qu'il trouve le fautif, donc Perceval. Et là, on a on a peut-être justement un écho de Erek, parce que là, ça nous fait penser en fait à la situation de Erek et Enid, où Erek forçait sa femme à chevaucher, peut-être pas aussi brutalement, mais il la prenait avec lui à l'aventure, en lui disant de se taire. Là, on a de nouveau un mari un peu impérieux qui traite mal sa femme, peut-être une caricature d'Erek. Et ensuite de ça, Perceval arrive à la cour d'Arthur avec en tête, là maintenant, il veut devenir chevalier, il veut qu'on lui donne des armes et il veut rejoindre la chevalerie. Alors il arrive à une cour d'Arthur où Arthur est un peu mélancolique. Arthur ne sait pas très bien ce qu'il fait maintenant. Il sort d'une guerre contre Rion, le roi des îles, de nouveau. Donc on ne sait pas très bien s'il était ennemi aussi du père de Perceval, peut-être. Mais Perceval, qui n'a pas un grand intérêt dans la géopolitique du royaume, veut juste se faire adouber, donc il s'en fiche, il rentre dans le château à cheval, il rentre dans la grande salle du château à cheval. Perceval fait un peu l'impression des gens qui jouent aux jeux vidéo sans faire attention à l'histoire. C'est-à-dire qu'il fonce, puis il y a des gens qui viennent, puis qui lui racontent des très jolies histoires sur ce qui se passe dans le royaume arthurien, mais lui il s'en fiche. Il veut son loot et ses quêtes. Et du coup, il y a un côté protagoniste naïf où justement, si on fait attention à ce que Perceval ne fait pas attention, on a un narratif beaucoup plus complet qui émerge. D'ailleurs, il y fait tellement peu attention aux choses que quand il entre dans la cour, il ne remarque pas qu'il y a un chevalier vermeil, un chevalier donc en armure rouge, qui sort de la cour avec une coupe au bras et qui lui dit qu'il vient de la voler au roi Arthur et qui lui dit de jeter un défi de sa part au roi Arthur. Perceval qui comprend rien du tout. Il lui dit c'est un rebelle qui lui dit je détiens une terre et puis je la revendique contre Arthur, donc apparemment un rebelle. Et apparemment la cour est très préoccupée parce que la reine Guinevere vient d'être terriblement humiliée parce qu'on lui a lancé, le chevalier en question lui a lancé le vin de la coupe dessus et est parti avec la coupe. Évidemment, comme quand on a une femme et qu'il arrive quelque chose de déshonorant à une femme, Guenièvre, dans une grande virtuelle, Guenièvre est au bord du suicide parce que son honneur est bafoué. Irrémédiablement bafoué. Enfin, irrémédiablement non, parce que il va peut-être bien avoir une possibilité pour corriger ça. Et du coup, Perceval, qui lui n'y prête pas grande attention, entre à cheval, demande à Arthur d'être adoubé, il lui tombe littéralement dessus, hein, Arthur qui prête pas attention à ce qui arrive non plus parce qu'il est tellement en train de, ouais. De désespérer de ce qui arrive à sa femme. Arthur demande à Perceval de descendre à cheval. Perceval qui fait pas forcément le lien entre le fait qu'un chevalier n'a pas forcément besoin d'un cheval et le fait qu'il pourrait descendre, du coup, refuse de sortir de son statut de chevalier. Oui, parce qu'il dit ceux qui étaient dans la forêt, ils sont pas descendus de cheval, donc il fait pas la séparation entre être à cheval et être chevalier pour l'instant. Oui, c'est quelque chose de très fonctionnel pour lui. Et du coup, il s'énerve, il demande des armes, il demande d'être adoubé et que. Qui est donc toujours un peu le portier d'Arthur, mais aussi la grande gueule. Le texte nous dit beaucoup de choses sur Queux, notamment le fait qu'il est terriblement arrogant, que ses paroles sont toujours trop en l'air. Queux est présenté vraiment comme un mauvais chevalier, parce qu'il a beau être capable de grandes prouesses martiales, il est quelqu'un qui n'est pas capable de se taire, qui n'est pas capable de prendre sur lui, de ne pas dire des méchancetés. Ouais, il n'est pas courtois, finalement. Il n'est pas un chevalier courtois, et c'est peut-être aussi un élément assez important du fait que, dans cette histoire, être un chevalier, c'est pas simplement faire des grandes prouesses martiales. Queux donc dit à Perceval, « Ah, ben, si tu veux des armes, tu n'as qu'à aller prendre celle du chevalier vermeil. » Du coup, Perceval, lui, le prend au mot, sort de la cour pour aller combattre le chevalier vermeil, et Arthur est désespéré parce que lui, il aurait bien aimé garder ce chevalier à sa cour, et il dit, il va se faire tuer instantanément, vraiment, qu'est-ce que t'avais besoin de parler comme ça? Bon, le chevalier vermeil a l'air assez terrible, c'est peut-être pour ça, justement, que personne se lance à sa poursuite. Il faut aussi dire que, quand le roi est en train de parler à Queux pour le réprimander, le jeune homme qui sort de la cour, sans prêter attention donc à Queux et au roi encore, hein, il voit une jeune fille qui le salue et qui lui dit que nul chevalier, pardon, et qui lui dit que je pense et cuit en mon collège, quand restot le monde n'aura, nil niert de non insora, nul chevalier meilleur que toi, meilleur de toi, ancien l'homme pense et cuit et croit. Donc en gros, jeune homme, si tu vis tout en temps, mon cœur me fait penser et croire. Que dans le monde entier, il n'y aura pas, on ne verra pas, on ne saura pas de meilleur chevalier que toi. Oui, je le crois, je le pense, je le sais. Et du coup, on nous dit « Et la pucelle n'avouait tris, ant avouait passé plus de 10, et se dit-elle si en haut, que tuit luire. » Donc en gros, elle n'avait jamais ri depuis 10 ans, et maintenant elle vient de rire plaisamment en voyant Perceval. Du coup, Queux, qui est lui très énervé parce que ça lui fait offense de l'idée que ce jeune homme un peu présomptueux soit un chevalier plus pro, qui fasse le plus meilleur de chevalier que du monde. Meilleur chevalier du monde, mais meilleur que lui en tout cas. Il entend ses paroles et elles sont odieuses à lui et il va donner une gifle à la jeune fille qui l'étend par terre, quoi. Il n'est pas simplement. Vraiment pas une petite gifle. Et à côté de lui, il voit un fou qui se tient près d'une cheminée. Il lui lance un coup de pied qui balance le fou dans la cheminée parce que, où il y avait un feu, hein, parce que le fou avait dit. Ceste poucelle ne rira, jusque tant qu'elle verra, celui qui de chevalerie aura toute la seigneurie. Donc, vous comprenez assez aisément, hein. Elle ne rira pas avant de voir le chevalier dont la gloire surpassera toute celle de toutes les autres. Puis il crie, il pleure, et le Perceval, qui lui, tous ces événements, il n'y prête pas encore trop attention, on va le voir, il va y prêter attention dès qu'il revient, mais il s'attarde pas et il va à la poursuite du chevalier vermeil. Alors, le chevalier vermeil, évidemment, refuse de lui donner ses armes quand Perceval lui commande. Arthur m'a dit que tu dois me donner tes armes. Il rigole, hein, il se marre. Perceval se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Enfin, il obéit pas, il devait obéir au roi. Pourtant, Arthur m'a dit de prendre les armes, c'est comme voilà. Ça que ça marche, pourtant. Et, un peu de rage, Perceval lui balance un coup de javelot dans l'œil, qui transperce la cervelle du pauvre chevalier, enfin, du pauvre chevalier vermeil. La cervelle qui sort de l'autre côté du crâne et qui tombe mort comme voilà. Ça. Perceval donc, par surprise, en fait, il le prend par surprise. Ce qui n'est pas très chevaleresque, mais Perceval ne le sait pas. Et il bon, prend par surprise, le chevalier était en train de le taper avec un peu du plat de l'épée ou comme ça, mais... Oui, mais enfin, disons que quand tu vois un paysan gallois qui t'arrive dessus, qui te demande de lui donner des armes, tu t'attends pas forcément à ce que type arrive avec un lance, avec un javelot, et puis... C'était pas le combat formel, et puis c'est pas le combat noble, disons, mais il le bat quand même. Et du coup, il étale le chevalier par terre, et il voit arriver, alors qu'il est en train d'essayer d'enlever il arrive même pas à enlever le casque du chevalier, parce que, il est trop bien équipé. Il sait pas comment ça se détache. Il sait pas comment détacher une armure. Et il voit arriver Yvonnet, ou Yonnet, suivant les manuscrits, qui a été envoyé par Arthur pour voir ce qui se passait, en fait. Et, Yvonnet donc lui enlève l'armure pour lui, et la lui donne. Il refuse de prendre les habits, Perceval refuse de prendre les habits du chevalier vermeil parce que. Évidemment, c'est les habits que ma mère m'a fait, ils sont très bien, je vais les garder, voilà. Ils résistent bien, ils ont l'air de bien résister à la pluie et tout, donc il en est content. Perceval s'équipe donc et prend le cheval du chevalier vermeil qui est bien meilleur que le sien, redonne le sien à Yvonnet et lui dit d'aller dire au chevalier, d'aller dire ce qui s'est passé à Arthur, de ramener la coupe et de transmettre à Queux que finalement il allait venger le coup qu'il avait donné à la jeune fille et au fou. Donc il a pris conscience là. C'est ça, il est qu'il s'est passé quelque chose. Il est conscient de ce qui se passe autour de lui, mais il est lent à la détente, il met un moment à capitaliser dessus. Le fou annonce aussi en fait une espèce de temps aventureux, il dit à Arthur que des aventures vont se déclencher, ce qui va effectivement arriver avec notamment la demoiselle à la mule qui dit « Oh chevalier, il y a des quêtes pour ceux qui voudraient !» Enfin c'est vraiment le personnage qui vous donne une quête. Perceval en attendant va commencer son éducation. Donc là il a l'armure mais il n'est pas encore chevaleresque. Il commence par une éducation chevaleresque chez Gornement de Gort. Parfois on traduit Goro, on essaye de lire. Ou Gore, on essaye de lire dans les noms, mais Gort, Goro, Gore, Gornement en tout cas. Il le salue et il lui dit « Ah, bonjour, c'est ma mère qui m'a dit de toujours bien saluer les gens. » Donc Gornement comprend qu'il est un peu niais, parce que mais pourquoi il me raconte que sa mère lui a appris à faire ce truc élémentaire. Mais il est plutôt indulgent et lui dit « Pose quelques questions, d'où vient-il? Qu'est-ce qu'il sait faire avec son cheval ?» Il dit « Oh bah, il connaît pas apparemment toutes les subtilités du cheval, il connaît pas toutes les subtilités de son armure. » Perceval se méfie au début, mais sa mère lui avait conseillé de chercher la compagnie des hommes de valeur et de suivre leur avis. Et Gornement lui dit « Bah oui, c'était un très bon conseil de votre mère, vous devriez me faire confiance. » Il dit « Ah d'accord, bah je vous fais confiance, descendez de cheval. » Donc là, il accepte de descendre de cheval, donc on voit qu'il commence à prendre un peu conscience du fonctionnement de la chevalerie. On lui apprend le maniement des armes, on l'éprouve au combat, il s'entraîne avec d'autres personnes. Et Gornement lui dit d'ailleurs que c'est pas sa faute s'il ne connaît pas ces éléments. Il lui dit « Ce qu'on sait pas faire, on peut apprendre à le faire si on veut bien s'en donner la peine et s'y appliquer. Il faut pour toute pratique de l'effort, du cœur et des bons yeux. À ces trois conditions, on peut tout savoir. Et puisque vous n'avez jamais pratiqué ni vu pratiquer ces exercices, si vous ne savez pas les faire, vous ne méritez pour autant ni honte ni blâme. » Donc il y a ici un discours sur la nature de la connaissance et finalement de l'apprentissage. On dit « Bah si tu sais pas faire, si t'as pas vu faire, tu ne peux pas savoir. » Un discours finalement sur la culture. Perceval a pas la culture de la chevalerie parce qu'il a pas grandi dedans. Il faut dire aussi que l'enseignement de Gornement est très basé sur le côté martial de la chevalerie. Mmh. Il ne lui donne assez peu de conseils moraux, spirituels, à part justement ceux qui sont liés au combat. Mmh. Il lui explique par exemple qu'il faut épargner notamment un ennemi qui lui demande merci. Mais il ne lui explique pas les tenants et les aboutissants de... Il lui dit les bases, mais il ne lui explique pas les détails de ça, en fait. Mmh. Il y a un début, il aura aussi une éducation spirituelle avec son oncle, en fait. Mais là, il lui donne, en fait, Perceval veut partir. C'est-à-dire que Gornement aurait bien voulu le garder pour prolonger son entraînement, parce que là, il ne s'est pas passé grand temps. Mais Perceval veut retrouver sa mère. Il commence à s'inquiéter de sa mère, il commence à prendre conscience qu'il va peut-être arriver de quelque chose. Et avant de partir, il accepte les vêtements donnés par Gornement et il abandonne ceux que sa mère lui avait donnés et qu'avant il voulait garder quand Yonel. Donc on voit déjà un progrès, il commence à abandonner ce que sa mère lui avait donné, il commence à se détacher de sa mère. Et justement, Gornement lui dit bon, il va le faire adouber et il lui dit avant ça quelques conseils. Si vous arrivez de combattre quelques chevaliers, si vous arrivez à avoir l'avantage au point qu'il ne se défend pas mais qu'il demande grâce, vous devez l'épargner. Donc déjà, on a un peu différent des chevaliers qu'on a vus précédemment. Il y a eu des combats qui étaient interrompus ou dans lesquels le chevalier faisait grâce. Mais là, on nous dit clairement, voilà, on fait état de ces règles du combat un peu plus nobles, si on veut. Il faut éviter les bavardages et les racontards. Donc tu parles trop, tu poses trop de questions. Perceval, il faut pas poser toutes ces questions. Trop parler, c'est péché, littéralement. Si vous trouvez une demoiselle ou une dame ayant besoin de quelques secours, secourez-la. Ce sera une bonne action si vous savez comment faire et si vous en avez les moyens. Allez volontiers à l'église prier le créateur de toutes choses afin qu'il ait pitié de votre âme et qu'en ce monde terrestre il vous protège en bon chrétien. Donc il a déjà quand même la base, sauve les demoiselles, va à l'église. Perceval dit soyez bénis tous les apôtres car j'ai entendu ma mère dire la même chose et lui avait dit justement va dans les églises. Et là Gornement dit ah j'allais oublier, arrête de dire que ta mère t'a appris des choses, arrête, ça ne se fait pas. Il dit en fait les gens en temps normal ne font pas ça. Il dit mais qu'est-ce que je dirais, bah tu peux lui dire que c'est ton vavasseur, donc Gornement qui te l'a appris, ton maître local qui te l'a appris. Alors le jeune homme lui fait la promesse qu'il ne citera jamais plus personne de sa vie, sinon lui, car il le considère comme le maître d'un bon enseignement, et il part ensuite à la recherche de sa mère pour la suite de son initiation. Faut préciser peut-être aussi que finalement, on va le voir, les conseils de Gornement s'avèrent pas si bien intentionnés que ça. Gornement semble avoir une version de la chevalerie qui est très assez restreinte finalement, et qui ne laisse peu de place par exemple à la curiosité. Peut-être aussi parce qu'il a l'exemple en tête de Queux qui parle trop volontiers, qui n'est pas un bon chevalier pour ça, mais la courtoisie et surtout là, on va voir l'importance spirituelle de la chevalerie porte aussi sur la curiosité. Et Perceval avait un certain don finalement qui l'a amené à ça, c'est sa curiosité, et qui va se retrouver un peu brimé par ça. Voilà. Donc c'est pas forcément uniquement, c'est pas forcément l'enseignement le plus complet qu'il aurait pu recevoir. Voilà. Bah, on a un exemple d'un conseil qui finalement est une bonne, comment dirais-je, rule of thumb, qui lui permettrait de dire, bon, effectivement, Perceval, tu poses trop de questions, mais à plus poser de questions du tout, malheureusement, en suivant cette règle, bah, il va mettre en péril la suite de son aventure. Bon, c'est aussi en grande partie le fait que Perceval soit quelqu'un qui est assez littéral, en fait. Mm-hmm. Il a pas tendance forcément à se dire, bon, faut que je nuance les choses, il y a des moments où c'est bien de poser des questions. Quand Gournement lui dit tu parles trop, il va se taire. Voilà. Donc du coup, c'est assez effectivement, ça va lui poser quelques problèmes. En partant à la recherche de sa mère, il va tomber sur un château où habite une certaine Blanche Fleur, qui est une nièce de Gournement de Gore. Elle est très belle, elle est blonde, elle est décrite comme bien sûr toujours la plus belle fille du monde. Hein. Son château est en état, subit en fait un siège, alors suffisamment large pour que Perceval puisse rentrer dedans quand même. Elle et sa cour qui sont réduites à 50 chevaliers là où il y en avait 500 auparavant. Lui fait un festin de pain que le prieur local a bien voulu leur donner, mais ils ont presque plus de nourriture. Et elle lui révèle qu'ils sont en fait assiégés par Anguilleron. Elle le fait en fait quand elle vient le visiter pendant la nuit. Lui, il est en train de dormir et elle vient lui pleurer dessus en se disant ah mais si seulement il pouvait venir m'aider, venir à ma rescousse. Et elle le réveille et lui décide de mais qu'est-ce qui se passe jeune fille, pourquoi vous pleurez? Et elle lui explique effectivement qu'ils sont sous le siège de ce sénéchal de Anguilleron, sénéchal le Clamadeux des îles, donc de nouveau un seigneur des îles qui est présenté comme un ennemi. Et Clamadeux des îles veut l'épouser et convoite le château qu'elle dirige, le château de Beaurepaire. Elle préférerait se tuer plutôt que de céder à cela. Perceval propose donc d'aller combattre les assiégeants. Blanchefleur, qui a bien compris la psychologie des chevaliers, essaie de le décourager un peu, disant non, on n'y va pas, tu ne voudrais pas gagner de la gloire dans la marescousse, basiquement. Le narrateur nous fait bien comprendre que c'est. Voilà, exactement, il sait qu'elle sait, quoi. Lui, bien sûr, ça le renforce dans son idée d'aller combattre. Il partage une nuit en amoureux, il s'embrasse, mais. On ne sait pas exactement, c'est pas très clair s'ils consomment vraiment leur union. Le narrateur avait bien mis l'emphase sur l'innocence de Perceval, hein, qui a le nombril d'une vierge, qui est vraiment. Il nous dit avant que pendant le festin, Perceval, malgré le côté frugal du repas, est comblé et qu'il n'aurait pas pu songer à d'autres plaisirs qu'il aurait voulu satisfaire, sinon celui qu'une jeune fille aurait pu lui procurer dans le sens sexuel, mais il ne le connaissait pas, donc il était pleinement comblé parce qu'il savait même pas que ce genre de plaisir existait. Et là, bah, il nous fait une nuit d'amour, donc on interprète ça généralement comme un peu son initiation amoureuse, si on veut, après l'initiation chevaleresque. Ça, c'est l'autre versant de la chevalerie, si on veut, chez Chrétien, où vous avez le chevalier qui doit être courtois avec sa dame et avec ses ennemis. Alors, il arrive à battre Anguilleron le lendemain. Anguilleron demande grâce. D'abord, il refuse de lui faire grâce, mais il se rappelle quand même des conseils de Gournement, voilà. Et dit donc d'aller se faire prisonnier chez Blanchefleur. Mais Anguilleron rappelle que attention, je peux pas aller chez Blanchefleur, j'étais là quand son père est mort. Bon, c'est pas clair. Est-ce qu'il était dans le complot qui a tué son père? En tout cas, il était impliqué, ça a l'air. Voilà. Ça a pas... et qu'il a tué les chevaliers de Blanchefleur, donc personne ne se dit effectivement, elle va peut-être le faire mettre à mort, ce serait pas très productif. Il lui suggère d'aller chez Gournement de Gore, son maître, mais il rappelle que Gournement de Gore était l'oncle de Blanchefleur, il était le frère de son père dont il a causé la mort, et du coup, que ce serait pareil, que le risque est trop grand qu'il le fasse mettre à mort, et il décide finalement de l'envoyer se faire constituer prisonnier à la cour d'Arthur, et il le précise d'aller se faire constituer prisonnier chez la jeune fille que avait giflé pour bien montrer à qu'un jour il reviendra, il tient ses promesses d'être un grand chevalier. Et pour avertir qu'il va venger cet affront. À la suite de l'incident, il explique qu'il n'a pas pu ramener le chevalier à la cour parce que, par crainte qu'il ne se fasse tuer, mais il prend quand même son plaisir avec Blanchefleur. Clamadeux, qui arrive du coup pour continuer le siège, tente une manœuvre pour faire sortir les assiégés qui échouent. Perceval fait refermer le pont-levis ou la porte coulissante sur la tête de la colonne de Clamadeux. Il décide d'assiéger la place jusqu'à ce qu'il crève de faim. Heureusement, des marchands arrivent à proximité du château et peuvent vendre leurs réserves aux habitants, qui sont maintenant équipés pour tenir un siège très long. Ils arrivent par voie maritime. Oui, par un fleuve, hein, apparemment. Et Clamadeux comprend donc qu'il n'arrivera pas à briser le siège de cette façon-là. Il décide donc d'offrir un compas singulier à Perceval. Perceval accepte. Il vainc Clamadeux de nouveau comme Anguilleron. Il l'envoie de nouveau à la cour d'Arthur avec un message pour que. Et c'est là que le narratif repart brièvement à la cour d'Arthur pour suivre Clamadeux et pour voir ce qui arrive à la cour. Et on voit de nouveau que qui est en train de rager un peu, et Arthur qui est là, oh, mais en plus c'est un bon chevalier, pourquoi t'étais aussi bête à aller l'envoyer se battre au diable Beauvert, que alors qu'on aurait bien besoin de nouveau. Donc il y a cet élément qu'Arthur voudrait bien avoir, c'est tous ces chevaliers qui partent en aventure chez lui. Et petit à petit, donc, Perceval se décide quand même à partir de nouveau à la recherche de sa mère. Et en chemin, il va arriver près d'une rivière où il va voir en fait une barque où deux hommes pêchent. Alors qu'il a plus vu de personnes ou d'animaux depuis un bon moment. Il arrive en fait au château du Graal, donc on arrive dans un territoire dont plusieurs indices nous disent qu'il y a des choses bizarres qui se passent là. Donc déjà l'absence de personnes, d'animaux aux alentours. Et en gros, ces deux personnes, il leur demande « Je voudrais traverser cette rivière, je suis en train... » Il arrive en fait au pied d'une falaise, il peut pas continuer. Il dit « J'aimerais bien traverser. Est-ce que vous savez s'il y a un gué en amont ou en aval ?» Il dit « Non, non, ni en amont, ni en aval, il n'y a pas d'endroit où vous pouvez traverser. » Par contre, je peux vous héberger chez moi, ce soir. Vous montez juste là derrière, il y a mon château dans un vallon, vous le trouverez. Perceval monte. Au départ, il voit pas de château, il se dit, bon, il m'a bien nu, il m'a raconté n'importe quoi. Et au moment où il y croit plus, où il croit qu'il s'est fait avoir, il voit apparaître le château d'un seul coup, donc de nouveau un côté un peu merveilleux. Le château a l'air de sortir de nulle part, littéralement. On lui met un manteau, comme on fait dans un château quand on vous accueille. On l'amène à la table d'une espèce de festin. Il rencontre son hôte, qui apparemment est aussi passé par un chemin détourné ou par un raccourci pour réussir à arriver avant lui alors qu'il était dans la barque en bas et qu'il est quand même venu à cheval. On lui apporte d'abord le premier élément un peu bizarre, c'est qu'on va lui donner une épée, ce qui est quand même quelque chose d'assez significatif dans une culture guerrière et pour un guerrier qui vient d'être initié. L'épée vient d'être amenée par un serviteur qui dit « Monsieur, c'est votre nièce qui l'a envoyée et que vous en fassiez ce que vous voulez. » Le roi dit « Tiens, ben, il la donne à Perceval. Perceval la confie au valet qui va la mettre avec ses armes. Il la redonne au valet très content de cette épée. Il la met avec ses armes et on lui explique d'ailleurs un peu plus sur la nature de cette épée, qu'est-ce qu'elle a de particulier, que c'est un forgeron qui n'en fera que 3 similaires, qui n'en fera pas d'autres avant de mourir, et donc que c'est une épée vraiment il n'y a que quelques épées comme celle-ci dans le monde. Elle est très riche, elle est d'or, d'or froid, elle est vraiment... c'est un bel objet, quoi. Oui, bien sûr, les morceaux viennent toujours de contrées un peu exotiques, le pommeau était d'or, du meilleur d'Arabie ou de Grèce, le fourreau était brodé à la mode de Venise... Du coup, Perceval va s'asseoir à la table avec son hôte pour manger. On va leur servir de la nourriture. Et soudain, au milieu du repas, il va voir arriver une étrange procession qui va entrer dans la salle et rentrer dans une salle attenante, sans que personne d'autre dans le château ne fasse de remarque ni prête attention. Cette procession, je vais vous lire le texte qui est assez célèbre, le passage où on l'introduit. Que quand il parlouait d'un et d'elle, Hans Valet d'une chambre vinte, qui une blanche lance teinte, empoignée par l'au milieu, et passa par entre le feu et s'il qui au lit se souhaite, donc ils sont sur des lits, et tout s'il de l'éance veuet, la lance blanche et l'offer blanc, s'en est une goutte de sang d'offer de la lance en sommette, et jusqu'à la main au valet. Corouette cette goule vermeille, les valets voient cette merveille, qu'il au souhait fut l'éance venut, si cette doit demander tenus, comment celle chose venouette, que de chastil et sauvenouette, celui qui chevalière l'office, qui lui commanda et appris que de trop parler se guardaste, et criant, se il le demandanst, son nel teniste al vileni, por ce sino demandami. Donc, il voit arriver un jeune homme qui porte une lance blanche, et d'où pointe une goutte de sang. Une goutte de sang coule du fer de la lance jusqu'à sa main. Et lui, qui se demande ce que c'est, se dit, mais il faudrait que je demande ce que c'est. Et là, il se souvient. Pour le coup, il s'en souvient immédiatement de l'enseignement de Gordemant, qui est bien rentré visiblement, qu'il ne devrait pas trop poser de questions, et il craint du coup de commettre un impair, et se décide à se taire. Et pourtant, le cortège va continuer avec d'autres éléments plutôt mystérieux. Attente d'huit autres valets vinrent, qui chandeliers en leurs mains tendres, de fin or, ouvrette sa nelle, les valets et soient mortes belles, qui les chandeliers apportent. En chasse qu'un chandelier ardoint, dit Chandway à tous le mince, un graal entre ses deux mains, une damoiselle tenouette, qui avio les valets venouettes, et belle et jante et bien sonnée, quand elle fut l'ayant centrée, à tout le graal qu'elle teinte, une si grande clarté se y vinte, qu'aucine perdirent dans les chandouelles, leur clarté comme les estuelles, quand les solos luisent la lune. Donc il voit arriver d'abord deux jeunes hommes qui portent des chandeliers remplis de chandelles. Puis arrive une demoiselle qui tient entre ses deux mains un Graal, et quand elle arrive, la clarté du Graal, qui est si richement ornée de pierres précieuses d'origine qui surpasse celle qu'on trouve sur la terre ou sur la mer, la lumière de ce Graal éclipse les chandelles comme le soleil et la lune éclipsent les étoiles quand elles entrent dans le ciel. Après ce lit en revint une qui tint un tarouer d'argent, les grosses qui allouettent devant, de fin or esmeré estouette, pierres précieuses et avouettes, elles graal de maintes manières, des plus riches et des plus chères, qui un mer en enter ne souhaite. Et derrière cette jeune fille au Graal, s'en arrive une autre qui porte un tailloir d'argent, donc qu'on décrit très brièvement parce qu'on vient tout de suite au Graal, donc à la richesse de ce Graal. Toutes autres pierres passouettes celles du Graal sans dotance. Ancien comme passa la lance, par devant le lit s'en passèrent, en une chambre ailleurs entrèrent, et les valettes les vit passer, si nos amis demandaient d'au Graal qu'il en un servouette, que toutes ce jour en son cuir avouette, la parole au prodome sèche, si criante qu'il n'y est né dommage, pour ce qu'il a, oui, retraire, un saint bien se peut entre terre, contre parler à la fouet. Au bien l'y prègne au mal l'issier, ne l'or enquière ne demande. Et comme la lance, il passe devant le lit où se tiennent l'hôte et Perceval, et il entre dans une chambre attenante. Et lui n'ose toujours pas demander, parce qu'il a la parole au prodome sèche, donc au sage gentilhomme. Et là, on a une intervention du poète, enfin du narrateur, qui lui dit que si criant qu'il n'est dommage, il a bien peur qu'il y ait un mal qui a été fait, parce qu'il a entendu dire qu'on peut aussi bien trop se taire que trop parler à l'occasion. Quoi qu'il lui en arrive, bien ou malheur, Perceval ne pose pas de questions et ne demande rien. Donc il voit passer ce cortège un peu mystique que personne ne remarque, sur lequel personne ne fait le moindre commentaire. Ça a l'air normal pour la compagnie. Tout se passe le plus normalement du monde pour les autres gens. Et donc on a déjà notre introduction au mystère du Graal, c'est à qui est-ce qu'on le sert ? Parce que logiquement c'est un repas, on se passe des plats, le Graal c'est donc un plat, on a trouvé des mots qui sont peut-être cognats, qui sont peut-être liés à Gradalis. Ouais, le dictionnaire électronique de Chrétien III recense comme sens pour le Graal, en fait, un plat large et creux. Donc c'est pas simplement le calice hein, qu'on s'imagine aujourd'hui. Pas encore le calice. Le Graal a un sens visiblement. Il est employé avant, donc il semblerait que ce mot puisse être compris de son audience. C'est pas un mot ad hoc, quoi. Non, ça, puis c'est pas le Graal, c'est un Graal. C'est un objet finalement commun qui existe, un type d'objet. Cela dit, il va rapidement devenir le Graal. Voilà. Le Graal, puisque c'est le seul dont parle l'histoire. C'est le conte du Graal. Oui, effectivement, c'est assez important de mentionner que Perceval pense tout de suite à demander de qui l'on en sert. Ce qui n'est pas forcément le réflexe, enfin, qu'est-ce que c'est que cette procession. Mais pour nous, ça semblerait un peu curieux de demander de qui l'on sert du Graal. Mais en fait, c'est assez cohérent que tu vois une procession qui contient un plat et un tailloir. Un tailloir étonnant. Contrairement à la lance qui n'a pas forcément de sens particulier, qui a un sens surtout symbolique en l'occurrence, le Graal qui donc contient on peut présumer qu'il contient quelque chose à manger, surtout qu'il y a un tailloir, donc un tranchoir à viande qui suit, on peut se demander effectivement qui va manger les choses que l'on apporte dans cette pièce. Donc la question pourrait effectivement être suggérée par la mystique de l'endroit à Perceval. Perceval peut avoir l'instinct, mais c'est aussi une question qui est finalement assez logique. Hein. Qui l'on en sert ? Et donc, il pose pas de questions sur ce qui se passe. On apprendra plus tard que cette question aurait pu être salvatrice. Il se dit, je demanderai en partant. Demain, quand je pars, je suis en cheval, je veux pas faire d'esclandre pendant le repas. Avant de partir, je dirai au fait ce que vous saurez me dire. Problème, c'est que le lendemain matin, il se réveille et le château est vide. Oui, alors c'est d'autant que le château était plein de servants. Hein. Il n'y a pas seulement les servants qui l'ont accueilli, il y a les servants qui l'ont servi à manger. Il a vu repasser et passer le Graal devant lui plusieurs fois. Et chaque fois, il voulait se demander, chaque fois de plus en plus fort, mais il décide finalement, il avait décidé d'attendre le lendemain, et là il n'y a plus personne. Il voit juste son cheval scellé dans la cour, voilà, il voit son équipement sur la table, ce qu'il a dormi à l'endroit même où il a mangé. Il n'est pas allé dans une autre pièce, hein. On en a sorti son hôte, mais lui il est resté dans cette pièce, on lui a fait un lit. Oui, d'ailleurs l'hôte est un peu incapacité, il a l'air d'être peut-être handicapé ou c'est blessé. C'est pour ça dit on va devoir me porter à mon lit, je vous souhaite bonne nuit. Voilà, on lui soulève sur une couverture pour l'amener dans sa chambre alors que Perceval reste sur place. Et du coup, il s'équipe tout seul, il prend son cheval, il va sortir, et puis au moment où il traverse le pont-levis, juste quand il arrive au bout, le pont-levis commence à se lever. Donc il nous dit, il aurait pu avoir un accident, ils auraient pu se faire mal, mais apparemment ça va. Le pont-levis se lève derrière lui, alors il crie, hey, toi, qui a levé le pont-levis, il essaie de s'adresser, personne. Bon, alors c'est logique, il se dit, bon, ils doivent être dans la forêt en train de chercher du bois ou quelque chose, je vais aller les trouver, il part dans la forêt. Et il suit des traces qu'il voit d'ailleurs par terre dans la forêt, pour aller suivre donc, cette piste de ces gens. Et au fil de ces traces, donc, il tombe sur, non pas des gens du château, mais une jeune fille éplorée qui tient entre ses bras le corps d'un ami, de son ami, ce qu'on nous dit être son ami, qui est décapité, en fait. Le corps n'a pas de tête. Voilà. On apprend qu'en fait, c'est la cousine de Perceval qui a été élevée avec lui, elle lui dit. Donc, il est vraiment un peu idiot de ne pas l'avoir reconnu. Non, bah, apparemment, il a grandi avec, et pourtant. Et elle lui pose plein de questions sur ce qu'elle a vu. Elle va lui faire plein de révélations sur la scène du Graal, mais elle lui pose plein de questions. Mais tu as vu le Graal, tu as vu la lance, tu as vu le... Donc elle a l'air très au courant, elle est très bien informée. Malgré son deuil récent, elle perd pas le nord, elle commence à lui poser plein de questions. Puis elle lui demande aussi, mais quel est ton nom? Puis il lui dit, je suis Perceval. Et c'est là qu'il a l'air de son nom se révéler à lui-même. Il apprend presque spontanément son nom. Que son nom est Percevos le Gallois. Perceval le Gallois. Et là, c'est là qu'elle lui dit, bah, tu es mon cousin. Et surtout, tu as changé de nom, tu n'es plus Perceval le Gallois, tu es Perceval Malheureux, Perceval l'Ichéti, l'infortuné. Parce que bah, elle lui dit, si tu avais posé cette question, tu aurais sauvé le roi, tu aurais sauvé... Qu'elle appelle le riche roi pêcheur. Le riche roi pêcheur aurait été sauvé de sa maladie, la terre aurait été restaurée, tout aurait été mieux été, mais tu n'as pas posé la question, tu as échoué. Il va y avoir un rappel de ses imprécations, c'est-à-dire que là, on lui dit, tu as échoué. Il y a quelqu'un d'autre qui va revenir lui dire de nouveau et insister là-dessus, parce que comme d'habitude, c'est pas plus mal, hein, il est un peu lent, donc qu'on vienne lui faire des rappels. Il faut dire aussi que la jeune fille lui apprend une nouvelle assez triste. Elle lui apprend qu'en fait, il a échoué à cause du péché qui est advenu à sa mère, à cause du péché qui a touché ta mère, parce que lui, en partant, a déchiré le cœur de sa mère, et que quand il l'a vu tomber depuis le pont où il chevauchait, elle est morte de chagrin. Voilà. Et elle a été enterrée, lui explique la jeune fille. Le texte me disait qu'elle était tombée comme morte, mais en fait, elle était vraiment morte à ce moment-là à cause de cette déchirure. Elle a perdu deux de ses fils à la chevalerie, et son mari était déjà mort de chagrin, elle meurt de chagrin aussi. Perceval est pas forcément, il est triste bien sûr, mais ça le surprend pas forcément parce que déjà en partant de chez le Blanchefleur, il avait dit si elle est vivante, je la mettrai dans votre couvent et puis je lui ferai prendre le voile pour qu'elle devienne nonne, et si elle est morte, je vous ferai dire des messes en son honneur. Donc il envisageait déjà la possibilité qu'elle soit morte en partant de chez Blanchefleur. Il commence à se rendre compte, ah, c'est peut-être une possibilité. Mais là justement, il dit à la dame, à sa cousine, venez avec moi. Les morts avec les morts, les vivants avec les vivants, il faut pas que vous restiez avec ça. Parce que pendant tout cet échange, elle a un corps décapité entre les bras, donc c'est peut-être un peu inconfortable. Elle dit non, je vais rester là, on sait pas exactement par qui il est tué, mais on va vite le découvrir. Et donc en fait, Perceval va retrouver des gens qu'on a déjà vus. C'était sa première aventure après qu'il ait quitté sa mère, en fait. C'était la demoiselle de la tente et l'orgueilleux de la lande. Enfin, on va apprendre qu'il s'appelle l'orgueilleux de la lande. Il voit une dame avec des vêtements complètement déchirés, la peau sale, le cheval est mal en point. Ses vêtements sont tellement déchirés qu'elle essaie de les rabattre. On voit ses seins à travers, elle essaie de les rabattre dessus, mais à chaque fois qu'elle essaie de couvrir un trou, elle en ouvre un autre. Une vision déchirante de pauvreté. Elle met en garde Perceval contre l'orgueilleux et sa fureur. Elle dit « Il vient de tuer quelqu'un, donc on suppose que c'est lui qui a tué l'ami de la cousine de Perceval. » Et comme d'autres, sans doute dans sa folie meurtrière, parce qu'il a l'air de défier un peu tous les gens qui s'approchent trop de sa femme ou d'autres, Perceval le voit, il lui dit « Ah, avant que tu partes, je vais te raconter pourquoi je maltraite ma femme comme ça, en fait, c'est parce que... » Puis il lui raconte toute l'histoire, il y a Perceval qui est entré dans la tente. Perceval lui dit « Je sais bien, c'est moi qui l'ai fait, c'est de ma faute, elle n'y est pour rien. » Et l'orgueilleux faisait en fait un discours où il disait « Ah, tu sais bien comment sont les femmes, elles disent qu'elles sont fait agresser, mais en fait ça leur plaît, et puis elles aimaient ça, elles ont fait exprès. » Perceval dit « Non, elle a rien fait de mal, c'est de ma faute. » Il se dénonce, il s'affronte, et Perceval réussit à le battre, et il l'envoie à la cour d'Arthur en lui disant « Traite mieux ta femme, fais-lui donner des bains, tu l'as traité trop durement. » Le texte devient ambigu parce qu'on nous dit qu'il l'aime plus que son œil, donc nous on dirait comme la prunelle de ses yeux, et puis maintenant, bah voilà, il est guéri il est guéri de sa jalousie, et puis d'un seul coup, il la traite bien, il l'amène à la cour d'Arthur en lui disant de nouveau, donc de nouveau, il lui dit de dire à queue, de prendre garde, parce qu'il va venir un jour venger la demoiselle et le fou qui l'a giflé. Et d'ailleurs, c'est ce qui se fait, et d'ailleurs, non seulement on nous le dit que le fou dit à queue qu'il va être vengé, mais qu'en plus, il va être, la vengeance de Perceval va avoir une conséquence bien précise pour qu'eux, elle va lui briser le bras. Lui briser le bras entre l'épaule et le coude, donc lui casser l'humérus, qui est quand même une fracture assez conséquente. Généralement, on se casse plutôt les os de l'avant-bras. Se casser l'os entre le coude et l'épaule, c'est, disons, beaucoup plus difficile, beaucoup plus robuste comme os. Voilà, et c'est aussi beaucoup plus problématique pour un chevalier, du coup. Puis douloureux. Et il faut préciser aussi, donc, que cette scène où on voit arriver à l'orgueilleux et sa femme à la cour, c'est bien Arthur qui pardonne à l'orgueilleux et qui lui dit « Non, tu pourras entrer à ma cour », et qui décide sur ce de finalement quitter un peu sa léthargie et de se mettre en chasse de ce Perceval, parce qu'il a fait tellement de bien qu'il faut vraiment retrouver et l'avoir parmi eux, en fait. Et il décide donc instantanément de mettre la cour en mouvement. Ils vont, dès qu'ils le décident, tout le monde, jusqu'à la dernière demoiselle suivante de Guenièvre, vont remplir les coffres, les chariots et se partir en campagne, en fait, littéralement, pour essayer de retrouver Perceval. Alors tu me diras, c'est pas très pratique de chercher Perceval avec une cour derrière toi, parce que s'il va un peu plus vite, ça va être compliqué. C'est quelque chose qui, bien sûr, se fait beaucoup au Moyen-Âge, hein. Les rois sont itinérants. Ils n'ont pas forcément de château particulièrement royale avant le 14e, 15e siècle, où ça se commence vraiment à s'établir dans des endroits plus ou moins permanents, et même encore jusqu'à certaines époques, on fait régulièrement des voyages avancés. Là, on est au 12e siècle, c'est quelque chose d'assez courant pour le roi d'aller de château en château. Et donc c'est un phénomène finalement qui nous paraît un peu surprenant de voir tout le monde empaqueter toute la vaisselle. C'est un motif qu'on avait déjà vu dans Erec, où Arthur essaie d'intercepter Erec sur le chemin parce qu'il croise la cour en vadrouille, bon là pour une chasse, puis après il se dit bon bah, on va bouger pour le rattraper plus loin sur la route. C'est un comportement qu'on a déjà vu. Enfin, il plante le camp dans une clairière enneigée puisque c'est l'hiver maintenant, ça fait donc plusieurs mois que Perceval est en route depuis le temps des semailles au début du roman. Et il s'avère qu'en fait Perceval arrive dans la même clairière, sauf que lui, il voit soudain dans le ciel un vol d'oies se faire attaquer par un faucon. Et une des oies, blessée, atterrit sur la neige devant lui, saigne trois gouttes de sang qui tombent sur la neige et elle repart en vol parce qu'elle n'est pas assez visiblement pas assez blessée pour être tuée. Et lui tombe en pâmoison devant ces gouttes de sang puisqu'elle lui rappelle la rougeur des lèvres de Blanche Fleur sur la blancheur de sa peau. Mmh. Et il les contemple ainsi, et les chevaliers de la table ronde le trouvent en fait. Sagremore le voit et décide donc de l'amener vers le roi, parce qu'il se demande qui est ce chevalier qui est en contemplation. Sagremore arrive, se fait battre par un Perceval toujours aussi obnubilé par le sang dans la neige. Que décide de battre Sagremore et donc d'y aller de façon encore plus vulgaire. Il arrive vers Perceval, il lui charge, Perceval le charge contre lui et lui casse le bras, donc remplissant ainsi la vengeance qui lui avait été promise et qui avait été prédite par le nain, par le fou, le nain c'est dans la version galloise, que le fou de la cour d'Arthur est un nain. Que à sa blessure qui vérifie sa prophétie, il est toujours en plus enragé. Donc le roi est quand même bien embêté devant Sagremore et Queux se faire battre comme ça à plate couture. Il demande à Gauvin, qui n'était pas là à la cour quand Perceval est arrivé la première fois, d'aller l'identifier, le chercher. Gauvin donc arrive vers Perceval, il est beaucoup plus prudent évidemment que Queux, et il parvient à le ramener à la cour d'Arthur. Il commence à sortir de son espèce de transe aussi. Oui, les gouttes de sang commencent à s'effacer. Et il arrive, il l'amène à la cour, les explications sont faites. Perceval ne raconte pas exactement sa honte face au Graal, mais il explique un peu ce qui lui est arrivé. Il est célébré. Arthur dit « Ah, ben c'est tant mieux, on peut revenir à la cour. » Apparemment, tout le monde est content, à part Queux, qui doit être en train de mourir de douleur parce qu'il se fait casser son bras. La demoiselle et le sot ont été vengés. Et du coup, Gauvin est parvenu à révéler en fait Perceval et tombe en fait les bras l'un dans l'autre, donc il devient son nouveau meilleur pote en fait. Ouais. Donc Gauvin va jouer à partir de là un rôle plus important dans le récit en fait, pratiquement plus important que Perceval. Friendship is ended with Ivan, now Perceval is my best friend. C'est exactement ça. Ils décident qu'ils sont liés d'amitié, donc du coup ils délassent mutuellement leur rôle et leur quoi, donc ils se déshabillent mutuellement. C'est assez Je me demande d'où viennent toutes ces fanfics, franchement. Oui, il n'y a pas d'éléments textuels qui les supportent. Et donc du coup Perceval est arrivé à la cour, toutes les prophéties effectivement sont confirmées, et ils célèbrent, ils reviennent à Carlion, où se trouve la cour d'Arthur, et ils célèbrent donc toute la nuit en réjouissance, la nuit suivante également, mais le lendemain, ils voient arriver une damoiselle qui vint, sort une fauve mule, et tint en sa main d'estre d'une escorgier. La demoiselle fut tressée à deux tresses tortes et noires, et seules les paroles sont vouées, si qu'on lui livre le devise, onque rien, ni l'aide à devise, ne fût naisse de dans enfer. Ense ne veille si noir faire, comme elle ôte le corps et les minces, mais encore estoué ce dos mince, à l'autre l'aidesse qu'elle ôte, que si l'ouelle estoué du crotte, petit enceint comme ouelle de rat, ce nez fut de singe ou de chatte, et ses lèvres d'asne ou de bœuf, ses dents ressemblaient moelle d'œuf, de color tant est soiros, et sa voix de barbe comme bosse. Donc en gros, elle est une demoiselle qui arrive sur une mule fauve, qui tient un fouet. Elle est extrêmement laide. Elle est si laide à devise, il n'y a pas de fer aussi noir que sa peau et ses mains. Mais ça, c'est même pas l'élément le plus laid de sa personne. Elle a deux yeux de rat, un nez de singe ou de chat, des lèvres d'âne ou de bœuf, et ses dents du jaune d'œuf. Elles sont roussâtres, elle a de la barbe comme un bouc, elle a une bosse sur la poitrine, elle a une espèce de crosse à l'échine, elle a des reins des épaules qui peuvent tout casser, et une bosse dans le dos, des jambes torses. Elle arrive, elle salue le roi et les grands vassaux, tous ensemble, force que Perceval seulement, et dit tésor la mule fauve, « Ha! Percevos, fortune et chauve, d'arrière et devant chevelu et d'as et qui te salue, et qui nul bien torne prie, que tu ne la déservis mi fortune quand tu la trouvasses. Chies le roi pêcheur entra et vit la lance qui saigne, et fût cet or si grande peine d'ouvrir ta bouche et de parler, que tu ne puis demander pour souhait celle gotte de sang qui saute par la pointe de fer blanc. Et donc râle que tu vis, ne demandas ne nanquis, car les riches hommes en servouette, molte et malheur qui vouette si belle tant ce que puis n'y convaigne, s'attend encore plus qu'il vienne, si et tus si les malheureux, quand veis qu'il fut tant ses lustes de parler, et si te tus. Donc, en gros, de nouveau, Perceval, dit-elle, elle salue tout le monde sauf Perceval, Perceval, dit-elle, fortune et chauve par derrière et chevelu devant, maudit soit qui te salue ou qui te souhaite en prière du bien, car tu n'as su la saisir cette fortune quand tu l'as trouvée devant la lance qui saigne, tu n'as pas pu parler, tu n'as dit, moi, t'es si grand, c'est fort d'ouvrir la bouche et de parler pour demander ce que c'était ces gouttes de sang, et le Graal que tu as vu, tu n'as pas demandé, cherché à savoir qui était le riche seigneur dont on le servait, c'est vraiment le malheur pour quelqu'un qui voit ça. De ne pas chercher mieux à faire, enfin de rien demander. Ce malheur, maintenant, qui tombe sur celui qui ne pose pas la question, c'est le tien, à toi qui as vu qu'il était temps et lieu de parler et qui t'es-tu. Du coup, elle répète l'avertissement de la cousine, elle lui explique que le riche roi, donc qui est au tourment, donc pas celui qu'on sert du Graal, hein, le roi pêcheur, aurait été guéri de sa plaie, tiendrait sa terre en paix, et lui explique pourquoi, en fait, tout ce qui est mal ne va pas pouvoir être soigné, et non seulement ça, mais il y aura encore plus de malheur qui va arriver à cause de Perceval. Et sur ce, elle se tourne vers le roi, et elle lui explique qu'elle doit, elle doit aller dans un autre château, où il y a des chevaliers d'élite, et où qui voudrait aller les combattre pourrait gagner grande gloire. Elle explique aussi qu'il y a une quête possible sur le Mont Esclair, une hauteur sous le Mont Esclair, où une demoiselle assiégée aurait bien besoin d'aide, et pour quel chevalier qui irait la délivrer, gagnerait un grand honneur. Et il aurait même le droit de ceindre sans crainte l'épée aux estranges ranges, donc l'épée au fabuleux rangement, au fabuleux bouclier. Au merveilleux baudrier. Au fabuleux baudrier, exactement. Et elle se tait sur ces mots et repart sans dire un mot de plus. Donc du coup, Monseigneur Gauvin saute sur l'occasion, décide d'aller porter secours à la jeune fille. Guiflet, fils de Do, ira au château orgueilleux. Cahédin montera sur le mont Périeux également, près de là où se trouve la jeune fille assiégée, et Perceval, lui, va faire un autre choix. Percevos redit hôtel qu'il ne gérera en hostel deux nuits sans tresto sans neige, ne n'aura d'estrange passage novel que passer ni aille, né de chevalier qui mieux se veille, qu'autre chevalier ne que duit, qu'il n'aille combattre à lui tant qu'il d'ogral saura, qu'il en enserre et qu'il aura la lance qui saigne trouver, tant que la vérité prouvée lui soit dite pour qu'elle saigne, j'en aurai pour nulle peine. Donc lui promet d'aller non seulement chercher le Graal et donc savoir qui l'on sert de ce Graal, mais également trouver la lance saignante, la lance sanglante, et trouver en fait d'où elle vient, qu'on lui dise son origine. Et il nous dit qu'il ne renoncera pas avant d'avoir fait tout cela et qu'il ne passera jamais de toute sa vie deux nuits de suite avant de l'avoir fait. De nuit au même endroit. Il veut à tout prix savoir ceci, en fait, remplir la quête qu'il a échoué à remplir. Donc c'est le début de la quête du Graal, finalement, et on voit qu'il y a... C'est une quête qui n'est pas encore collective. Donc là, on a un moment où tu as plein de gens qui vont faire des quêtes différentes. Oui, il dit une cinquantaine qui se promettent d'aller faire des quêtes tout à fait diverses. D'aller faire toutes les aventures possibles. Mais la quête du Graal, pour l'instant, elle est vraiment personnelle. C'est Perceval qui va la conduire seule. Personne d'autre dit, on va t'aider, ou on va faire ça avec toi. On va chercher la lance, On peut se partager, séparons-nous pour chercher des indices. Non, c'est Perceval qui, pour l'instant, c'est vraiment une quête personnelle. Ce qui laisse penser que la signification du Graal devait être soit un drame familial, en tout cas lié à Perceval lui-même, probablement. Oui, parce que c'est vraiment lui qui est le seul à qui l'on fait la remarque. La demoiselle sur la mule fauve aurait pu simplement dire « Vous devriez chercher d'où vient ce Graal, tous, ça vous apporterait... » Non, non, c'est vraiment bien c'est vraiment bien une quête pour Perceval spécifiquement. Il reste c'est en fait pratiquement la fin des aventures de Perceval, il reste encore un épisode chez l'ermite. Mais il y a un autre événement qui va déclencher la deuxième moitié du Perceval qui va se tourner vers un autre héros, Gauvin. C'est-à-dire qu'il était partant pour aller faire ses aventures et tout, mais là, il y a Guingamp Brésil qui débarque et qui l'accuse d'avoir traîtreusement tué son seigneur. Il dit « Je t'accuse ». Et donc, Gauvin va devoir se laver de cette accusation. Ça va être lui, en fait, le protagoniste de la suite de l'aventure jusqu'à la fin où ça va s'interrompre. Il y a encore un épisode de Perceval chez son oncle. Mais du coup, Gauvin peut pas joindre les autres dans toutes ses aventures. On arrive gentiment à une heure de parole. Avant de nous reporter sur les aventures de Gauvin, je vous propose une petite pause musicale. Comme le roman commençait au temps où préfleurissent les arbres verdissent et au temps des semailles, je vous propose d'écouter Tempus est Iocundum, où le chanteur dit justement « Je fleuris entièrement, totus floreo », par Artefactum, un groupe qui, je crois, est espagnol. Ça vient des Carmina Burana, donc on a le rythme de la chanson sans avoir la mélodie qui est notée avec, donc forcément c'est une reconstruction. Et on vous retrouve tout de suite après ça pour la suite des aventures de Gauvin dans le conte du Graal, et peut-être une explication du secret du Graal. Tempus est iocundum, o virgines, modo con gaudete vos juvenes, o, totus floreo. Iam amore virginali totus ardeo, novus novus amores copereo. Cantat Filomena, sic dulciter, et modulans auditur intus caleo, totus floreo. Iam amore virginali totus ardeo, novus novus amores copereo. Flos est puellarum quam diligo. Alors c'était Tempus est Iocundum, interprété par le groupe Artefactum, qui n'a pas grand rapport avec la légende arthurienne à part le thème de la floraison, qui effectivement peut-être fait bien écho à l'initiation, disons, que Perceval a eue. Bon, on donne plein de sens au mot initiation, surtout si on essaye de faire une interprétation ésotérique du conte du Graal, mais il est clair que Perceval est allé vers de plus en plus de connaissances de lui-même, vers de plus en plus de connaissances du monde autour de lui. C'est un roman d'apprentissage, et on peut noter déjà, avant de poursuivre dans la suite des aventures de Gauvin, quelques thèmes qui, à mon avis, ont parsemé cette œuvre. D'abord, celui de cette culture de l'honneur, finalement, c'est-à-dire que quand on vous fait un tort ou qu'on vous accuse de quelque chose, c'est à vous de le laver, c'est à vous de prendre l'initiative de prouver que vous l'avez pas. Il n'y a pas vraiment de présomption d'innocence ou quoi. On a vu ça avec la demoiselle de la tente qui se fait embrasser par Perceval, bah voilà, elle est punie. On a vu ça avec Guenièvre qui se fait jeter du vin dessus, bon bah elle est au bord du suicide. On voit ça avec Gauvin là maintenant qui est accusé par Guingamp Brésil. On pourrait se dire, bah il y a n'importe qui t'accuse d'un meurtre. On nous dit pas si Gauvin est coupable ou pas, c'est pas très clair. Mais en tout cas, il dit, bon bah je vais me défendre. C'est pas très important en fait le fait qu'il l'ait fait ou pas, puisque de toute façon, son innocence sera prouvée ou non dans le Lord Ali quoi. Donc dans le combat, c'est finalement judiciaire. Une question très secondaire. Il a pu le faire, mais s'il finit par battre le combat, c'est bah, il a eu le droit de le faire, en gros, rétrospectivement. On a vu aussi ces seigneurs des îles qui ont l'air liés à la famille de Perceval et au roi d'Escavalon. Bah là, on va se rendre chez le roi d'Escavalon dont on nous dit que Gauvin l'a tué. Un autre thème, c'est celui de la vengeance. Et effectivement, on a plusieurs moments où on a vu, effectivement, quelqu'un qui fait un tort, quelqu'un qui réplique, et la question de la justice royale qui venait. Typiquement, quand Perceval envoie Angui Guéron à la cour d'Arthur, il lui dit d'abord, on va t'envoyer chez Blanchefleur, puis chez Gornement, mais comme il a tué des proches parents, il dit, ah non, non, ils vont pas me faire un traitement impartial, donc il dit, bah je t'envoie chez Arthur. Il y a cette idée que les querelles personnelles, ces espèces de vendetta, perturbent la justice, elles empêchent qu'on fasse un verdict correct, parce que forcément, si vous avez trucidé leur famille, les gens sont pas forcément impartials, donc on a besoin d'Arthur, qui soit là, pour nous faire le roi, en haut, qui fait sa justice royale. Et donc cette opposition entre vengeance et justice royale, elle va de nouveau revenir au sujet de Gauvin dans ses aventures. La première des aventures de Gauvin qu'on va voir, elle est assez secondaire finalement, c'est celle du tournoi de Mélian de Lys. Donc il organise un tournoi, je vous passe assez vite dessus. Enfin, c'est organisé à Tintagel par Thibaut de Tintagel, voilà. Et Mélian de Lys est le plus brave des chevaliers au tournoi. S'il gagne le tournoi, il peut se marier, ou en tout cas... Il y a toute une histoire avec les deux filles justement de Thibaut de Tintagel, qui l'une d'elles pense que Mélian de Lys est le meilleur des chevaliers, l'autre pense que ce chevalier un peu bizarre qui se tient à l'écart. Gauvin ne veut pas combattre dans le tournoi parce que... il a peur de se blesser avant son combat judiciaire. Donc Gauvin est là avec deux écus, qui a une particularité un peu bizarre, et les gens croient que c'est une espèce de changeur ou peut-être un margoulin qui essaie d'échapper aux taxes. Ils savent pas pourquoi il reste à l'écart comme ça. Il veut pas participer. Il y a la jeune sœur justement de la plus jeune des filles de Thibaut de Tintagel qui a l'air d'être assez jeune, genre elle doit avoir 12 ans, moins de 12 ans, elle a l'air d'être une enfant. Ouais. Et elle dit non, Mélian de Lys, il pue, je l'aime pas, etc. Sa grande sœur la baffe, et puis tout le monde est scandalisé, non mais vous pouvez pas lui taper dessus comme ça. Et elle, du coup, elle veut se venger, donc elle fait appel à Gauvin, elle lui dit venez être mon champion en fait, parce qu'elle est, on l'appelle la demoiselle aux manches étroites, enfin elle a des manches tellement courtes qu'on dirait qu'elles sont dessinées sur sa peau, donc des manches tellement serrées. Et donc, le père lui donne même une manche en bon état de forme pour que Gauvin se batte pour elle, enfin bref. Mélian de Lys remporte la première journée du tournoi, Gauvin remporte la deuxième, et puis il est bien sûr le meilleur. Et la jeune fille embrasse le pied de Gauvin qui part pour lui dire « comme ça vous vous rappellerez de moi partout où vous irez ». Bon, nous on se rappellera pas forcément d'elle parce que l'épisode était quand même relativement secondaire, alors que Gauvin arrive enfin dans les parages d'Escavalon, dont, je vous rappelle, il a été accusé d'avoir tué le roi. Enfin, on ne nous dit pas explicitement d'abord, Guingamp Brésil dit « tu as tué mon seigneur », mais on comprend après, dans le dialogue de la suite, il va rencontrer le jeune roi d'Escavalon, qui est donc le fils du roi d'Escavalon, donc qu'il est accusé d'avoir tué, et il rencontre notamment la sœur de ce roi, qui est donc la fille du roi qu'il est accusé d'avoir tué. Pour l'instant, ils ne le savent pas, parce qu'ils ne lui demandent pas encore son nom. Ouais, il arrive d'abord chez... il est en train de chasser, je crois, une biche blanche. Alors, la biche n'est pas blanche, c'est Guillaume. Donc on pense que la biche était blanche, mais Guillaume s'est dit « Oh là là, les biches blanches, ça sent le merveilleux, j'aime pas ça », puis il l'a enlevé. Ou alors est-ce que d'autres scribes ont rajouté la biche blanche parce que maintenant c'est codifié comme faisant partie de ce genre d'histoire ? On sait pas vraiment, mais c'est là qu'on voit que ces petits détails peuvent quand même changer l'interprétation qu'on va avoir. Du coup, il tombe, alors qu'il est à la chasse, sur le roi d'Escavalon, justement, qui lui offre l'hospitalité et qui lui dit d'aller chez sa sœur pour se faire accueillir. Et il fait dire à sa sœur de bien accueillir l'homme qui arrive, parce que de l'accueillir comme elle l'accueillerait lui, en fait, en gros. Il devient assez cosy avec la fille du jeune roi, la sœur du jeune roi d'Escavalon. Plus que fraternel, on va dire. Voilà. Et malheureusement... Alors qu'il est avec elle au jeu, il y a quelqu'un qui le reconnaît. Oui, il y a un papa sur lequel qui le reconnaît, qui explique à la dame que non, mais tu devrais avoir honte, tu devrais, enfin, mais tellement faux, tu devrais le haïr puisqu'il a tué ton père. Un des discours misogynes justement du Conte Graal, vous avez ce méchant qui débarque, qui dit ah les femmes, on sait bien comment elles sont, elles se laissent aller à leurs sentiments. Il commence à soulever basiquement une armée en fait. Enfin, la commune locale, les bourgeois de la ville décident tous de mettre assaut à la tour où la jeune fille, la jeune princesse est avec Gauvin. Et du coup Gauvin. Et ça, c'est le long passage qui est coupé, hein, donc chez Guillaume, ouais. Qui est assez curieux parce que notamment, Gauvin, on nous le dit, n'a pas son bouclier, mais il prend un échiquier comme bouclier, et pendant que la jeune fille donc balance des pièces d'échecs sur les... On dit qu'elles sont 10 fois plus grosses que des pièces habituelles d'échecs, donc c'est une scène assez burlesque où on lance des pièces d'échecs géantes. Et on nous précise aussi que Gauvin a en main Excalibur. Excalibur. L'épée, bon, nous on dirait du roi Arthur, mais apparemment chez Chrétien, bah, lui il l'a. D'ailleurs c'est un passage qui est un peu incohérent parce qu'on lui a enlevé ses armes apparemment parce qu'on l'a accueilli, mais il a gardé son épée, mais il a pas son bouclier, mais... Donc c'est vrai qu'on peut comprendre que Guillaume soit dit, bon on va résumer ça à 4 vers. En fait quelqu'un qui a fait un self-insert qui a mis je vais mettre un massage, je vais assez marrant avec des Excalibur. C'est assez curieux comme bout, en tout cas. Voilà, on tourne. Guillaume, combien il fait de vers avec ses deux... Il en fait 4 vers, en fait. 140 à 4 vers. Et du coup, bah, sur ces entrefaites, le jeune roi d'Escavalon arrive, accompagné de Guingamp Brésil. Et là, du coup, bah, ça met fin un peu à l'émeute, du coup, et ça permet à Gauvin de sortir sain et sauf avec la jeune fille, quoi. Mais ça pose, en fait, un problème juridique, parce que, justement, le roi dit, bon, effectivement, vous êtes notre ennemi, mais je vous ai effectivement donné l'hospitalité, donc c'est quand même discourtois que tout le monde se jette sur vous alors que vous avez été accueilli. Guingamp Brésil, d'ailleurs, même s'il semblait assez fâché contre Gauvin, semble être assez modéré, là, pour le coup. Il dit justement, non, c'est effectivement, je vous déteste et je vais vous trucider, attendez qu'on soit sur le champ de bataille, mais il a l'air quand même de dire, on doit faire ça suivant les règles, et donc ils essayent de parvenir à un accord, et il lui dit, ce que vous pourriez faire, et là ça nous ramène, parce que pour l'instant, si vous lisez ça, vous devez vous dire, mais quel rapport avec le Conte du Graal, qu'est-ce que je fais là? Vous avez eu deux épisodes qui n'ont eu rien à voir. Et là, il lui dit, vous pouvez promettre de revenir dans un an, on reporte notre combat, mais vous devez revenir avec la lance qui saigne. Et Gauvin dit, non, je préfère que vous me tuiez ou que vous me jetiez en prison plutôt que de me parjurer, parce qu'il n'en sait rien sur la lance où elle est, donc il ne peut pas promettre de la ramener. Et il dit, d'accord, vous promettez simplement de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour essayer de la ramener, puis il dit, dans ce cas, très bien, j'essaierai de ramener la lance qui saigne. On voit que cette partie de la quête, finalement, tombe sur Gauvin, et que Perceval, lui, par contre, se destine plutôt à comprendre ce qui se passe avec le Graal. Donc, ce qui renforcerait l'idée, en fait, que la lance a peut-être une valeur en tant que relique indépendante du Graal, et qui, du fait, elle ne concerne pas spécifiquement Perceval, alors que le Graal, lui, oui. Mm-hmm. Donc, il y aurait peut-être... En tout cas, la lance semble être très désirée, parce que le roi nous dit qu'en fait, elle pourrait détruire... Soit le Vavasseur qui explique, qu'elle peut détruire, en fait, le royaume de l'Ogre. Il est prédit qu'elle détruirait le royaume. Donc, on a déjà un indice sur ses pouvoirs, qui seraient apparemment... Elle a des pouvoirs en elle-même, elle a une importance en elle-même. Enfin, il semblerait qu'elle soit pratiquement plus importante que le Graal, en fait. C'est pas le conte de la lance qui saigne. Pratiquement. Mmh. Et du coup, ouais, effectivement, Gauvin décide de partir à la recherche de la lance. Et c'est là que le comte va s'interrompre pour un moment, pour revenir quand même à Perceval, qui est à la recherche du Graal. Le comte nous dit depuis 5 ans maintenant. Alors 5 ans, il y a un saut dans le temps, c'est-à-dire qu'on saute basiquement 5 ans, ce qui est pas très cohérent parce qu'après on va revenir à Gauvin, ça a pas vraiment bougé. Mais c'est un passage qui est un peu à part, c'est le dernier passage où on a Perceval. D'ailleurs le récit nous dit bien, je vais passer à Perceval une fois que c'est fini, il dit vous m'entendrez de nouveau beaucoup vous parler de Gauvin avant de repasser à Perceval. Malheureusement, il ne repassera jamais à Perceval, le roman est inachevé. Donc c'est un vendredi saint, 5 années après le début de sa quête. Il rencontre 5 chevaliers et 10 demoiselles qui reviennent en procession de chez un ermite, donc à pied, et qui lui disent « Mais monsieur, pourquoi chevauchez-vous, pourquoi êtes-vous à cheval ? Vous savez bien que nous sommes le vendredi saint, ils lui font un catéchisme express où il lui explique « Vous savez bien que Jésus a été tué par les Juifs. » Parce que non seulement il a oublié, il ne connaissait pas grand-chose à la base, mais en plus il a tout à fait oublié Dieu. Il a oublié Dieu, il a oublié les églises, il ne va plus dans ses églises. On nous dit qu'il a envoyé, je crois, un chevalier par mois pendant ses 5 ans, donc 60 chevaliers à la cour d'Arthur, donc il a quand même bien bossé côté chevaleresque, mais côté chrétien, il s'est laissé aller et il a oublié Dieu. Là, il est frappé, il se rappelle qu'il doit être un bon chrétien. Sa mère et Gornemann de Gorot lui ont conseillé cela. Il va chez cet ermite, il se confesse, il fait pénitence. L'ermite lui dit « C'est la meilleure chose que peut faire un chrétien, c'est se confesser, faire pénitence. » Il lui révèle être son oncle maternel, donc un frère de sa mère, et que en fait, il lui explique en fait la scène du Graal de deux manières différentes. D'abord, il lui explique que s'il a échoué, c'est à cause de son péché d'avoir abandonné sa mère, d'avoir fait mourir sa mère. En fait, c'est ça qui a causé son silence. C'est pas seulement ça, le conseil de gouvernement ou sa naïveté. Là, on nous dit « Oui, c'est à cause de ton péché. » Il faut que tu te confesses, il faut que tu sois un bon chrétien pour faire bonne amende. Et il lui explique aussi que le Graal, à qui est-il servi ? Eh bien, à un autre oncle de Perceval. « Es-tu del Graal ne seus qu'il en enserre, folle sans us ? S'il qu'il en serre, est mon frère, ma sœur et sau fut ta mère, et del riche pécheur croué, qu'il est fist de celui roué, qui del Graal servir se fait ?» Ne ne quid pas qu'il est lus ne l'emploué, ne salmon, d'un seul ouest li sans somme que l'un un seul graal li porte, sa vie sostient conforte. Tant sainte chose est li graals, et il, qui est esperitax, s'autre chose ne li convient que l'ouest qui est li graal vient. 12 ans y a été ainsi, que forte de la chambre n'ici, où le graal veille s'entraire. Donc le graal sert ce riche, le père de ce riche pêcheur, qui est mon propre frère, et ma sœur et la sienne fut ta mère. Donc c'est bien là qu'il révèle qu'il est l'oncle de Perceval, ce roi qui est servi du Graal. Et le roi pêcheur est le fils de ce roi qui se fait servir. Et il n'a pas, donc c'est probablement une allusion avec pêcheur et poisson, puisqu'on nous dit que l'homme qui est servi, le saint homme qui est servi du Graal, n'a ni brochet, donc luth, ni lamproie, ni saumon, mais qu'il se nourrit d'une seule hostie qu'on lui apporte dans ce Graal, et que le Graal est une chose si sainte, donc on a quand même là déjà l'indice que le Graal a un certain pouvoir en lui-même, hein, mais il est si saint, on ne dit pas pourquoi, que et l'homme qui est dans son sort du Graal est d'un si pur esprit, espiritax, donc ouais. Il est spirituel, est-ce que c'est un fantôme, est-ce que ça s'opposerait, disons, à corporel, donc ça laisse penser qu'il n'est pas complètement vivant. Vivant. Ouais, il est un peu dans un ascèse, une certaine forme d'ascèse, un peu entre les deux mondes, et il ne lui faut donc pas autre chose que l'hostie qui vient dans le Graal. Il a pu ainsi rester 12 ans dans cette pièce où tu as vu entrer le Graal. Donc, aussi on peut noter que le roi pêcheur, finalement, c'est le cousin de Perceval, c'est le fils de son oncle maternel. Le Graal est destiné à la personne qui est dans la pièce à côté, donc son oncle maternel, qui apparemment, là, mal en point, ou en tout cas... Incorporel, qu'il peut survivre d'une simple hostie, donc un petit bout de pain, comme pendant ça. Pendant que le roi pêcheur lui-même est quand même blessé aussi, hein. C'est bien le roi pêcheur qui est quand même blessé. Le roi pêcheur mange, par contre, il est parfaitement corporel. On peut aussi dire, on va revenir là-dessus dans les analyses du Graal, mais la blessure du père de Perceval semble se dédoubler dans celle du roi pêcheur et un peu de son père aussi. Ils ont l'air d'être assez, disons, liés, leur statut a l'air lié l'un à l'autre. Et la demoiselle disait déjà à Perceval qu'il a été blessé parmi les gens, avec c'est à cause de ça justement qu'il n'arrivait pas à chevaucher et qu'il était obligé de pêcher pour se distraire, parce qu'il peut pas aller chasser à cheval. Et on voit qu'il a la même blessure que le père de Perceval et que c'est son oncle. Donc là, on a vraiment un réseau de personnages liés à ce mystère qui sont vraiment très proches de Perceval, ils sont de sa famille, ils souffrent d'une affliction qui a l'air très proche de celle de son père, c'est à peu près le même problème qu'il a eu aussi, il s'est retiré de son domaine dans une gaste forêt, une forêt stérile, alors qu'il est en train de perdre son domaine, c'est un peu ce qui est arrivé aussi à ses oncles maternels. Ouais, est-ce qu'on doit y comprendre que c'est une relation incestueuse peut-être, et alors, que l'homme blessé, le saint homme, est le père de Perceval, et que le roi pêcheur serait son frère? Il y a une interprétation. On pourrait avoir une lecture comme ça, par exemple. Il y a une interprétation, beaucoup d'interprétations vont faire du roi pêcheur directement le père de Perceval. En tout cas, il descend de la lignée des gardiens du Graal, ce sera un thème très fort après. Qui serait le neveu de sa mère. Voilà, donc ce qui est très à la mode ces temps-ci. On en reparlera, mais il y a ce thème. Maintenant, je pense qu'il faut garder en tête que, vous avez vu dans les précédents romans, Chrétien aime bien les dédoublements. Il aime bien présenter différentes relations qui ont l'air analogues les unes aux autres. Donc le fait que la blessure du père de Perceval soit partagée par son oncle, ça peut être une manière, finalement, d'explorer un thème plus que de dire « Ah, c'est le même ». Ou alors certains vont dire « Bah, dans la version originale, c'était le même, et puis Perceval, il a essayé de camoufler cet inceste ». Je sais pas si c'est très concluant. En tout cas, il y a clairement une connexion ici. Et il faut bien dire que c'est pas là que se terminent les conseils de l'oncle de Perceval, qui lui, de nouveau, impose d'abord une certaine période de pénitence où il partage sa nourriture, la nourriture de l'ermite, donc, et il lui confirme donc des règles particulières. C'est en fait là que se fait vraiment l'enseignement spirituel de Perceval, qui l'on a révélé les choses du Graal, et qui aussi, on confirme ce qu'il doit faire pour être un bon chrétien. Et c'est là que, au moment où il part, après avoir communié le jour de Pâques, que le récit revient aux aventures de Gauvin, qui donc revient en arrière, hein, après qu'il soit parti d'Escavalon. Et là, il va arriver près d'un chêne, il arrive à la borne de Galvois. Et il entre à partir de ce moment-là dans un monde un peu, de nouveau un peu comme le Château du Graal, qui évoque aussi un peu l'Anoun des romans gallois, qui est un peu ce monde des morts, mais qui n'est pas un monde des morts comme le Hadès, ou un monde très distinct comme les enfers. C'est vraiment une continuité avec notre monde, mais où il se passe des choses différentes. Et parfois, on ne peut pas en revenir. On ne peut pas en revenir parfois, et parfois on y est coincé. Ça faisait penser aussi au pays de Mélègue, hein, par exemple, hein, dans Lancelot. Et là, il arrive sous ce chêne, près d'un chevalier blessé, à moitié conscient, et une jeune fille veille ce chevalier. Et Gauvin est averti du grand danger qu'il y aurait à aller plus loin. Puis comme c'est un chevalier, bien sûr, il n'écoute pas, il continue. Voilà, il réveille le chevalier d'ailleurs pour ça, hein, pour lui demander. Il continue et il arrive dans un château au bord de la mer. Il voit une jeune fille coquette qui se regarde dans un miroir et qui semble très très mal disposée à son égard, qu'on appelle la mâle pucelle, la maligne demoiselle, la demoiselle orgueilleuse, souvent aussi, à la différence de... ou qu'on va appeler l'orgueilleuse de l'ogre après. Hein. Elle lui demande d'aller chercher son palefroid dans un jardin voisin. Pendant qu'il va le faire, tous les habitants du coin lui disent « Non, ne va pas l'aider cette jeune fille, un chevalier qui est à côté du palefroid, non, tu ferais mieux de pas l'écouter, elle va te causer des tas de problèmes. » Mais lui, il ne l'écoute pas, évidemment, il revient vers la jeune fille qui, d'ailleurs, lui montre, avec une action particulière, elle va se déshabiller, enfin, elle va enlever son manteau et elle va lui montrer son corps. Elle semble tout quand même, elle porte comme une chemise ou une robe, mais elle lui montre clairement qu'elle ne va pas le laisser la toucher. Elle est un peu, en fait, une antithèse à la demoiselle qu'on a vue jusque-là, la principale demoiselle qu'on a vue, qui était dans une relation avec le chevalier, c'était Blanchefleur. C'est un peu l'anti-Blanchefleur, en fait. Elle dit même « Ah, je veux pas que tu me touches, si tu me touchais, je préférerais me trancher la chair jusqu'à l'os plutôt que de garder de la peau qui t'avait touché. » Elle met peut-être en lumière, disons, l'arrière-plan, le sous-entendu sexuel qu'il y a dans les codes courtois. Elle met vraiment en lumière, disons, la concupiscence qu'il y a peut-être derrière ces interactions très maniérées. Et en fait, c'est là qu'on voit que l'aventure de Gauvin est en miroir de celle de Perceval. C'est que là où Perceval doit apprendre la base de la courtoisie et de la chevalerie, Gauvin, lui, il doit rester courtois dans des situations qui sont très discourtoises. Il y a la commune qui l'attaque, il y a une dame qui lui parle très mal, qui lui dit des horreurs, qui lui fait des menaces. Et il essaye de rester, il reste quand même cette espèce de modèle de courtoisie. Mmh. Après, il y a des problèmes parce que justement, il essuie quelques accusations. On l'accuse d'être, bah, justement, peut-être un peu pervers. On l'accuse d'avoir tué le roi d'Escavalon. Et il va devoir se laver des accusations, ce qu'on ne va pas forcément avoir le temps de voir avant que le texte soit interrompu. Donc du coup, Gauvin revient près de l'homme blessé avec la demoiselle orgueuse, l'orgueuse de l'ogre derrière lui. Il soigne l'homme avec des fleurs dont il a des plantes, dont il a le savoir, donc très Aragorn, hein, comme maman. Mais dès qu'il est guéri, le chevalier en question saute sur Gringolet, donc le cheval de Gauvin, et fait quelques tours du champ où il est avec lui en riant. Gauvin s'en amuse d'abord un peu. Gauvin s'en amuse, puis il décide de venir, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, l'homme lui explique qu'en fait, que Gauvin l'avait condamné à manger avec les chiens, je crois, c'était ça. Les mains attachées dans le dos, à manger, à s'alimenter comme un chien. Parce qu'il avait violé une femme. Alors on pourrait se dire que vu les dessins des violeurs souvent dans la littérature arthurienne qui sont souvent condamnés à mort, c'est plutôt enviable comme punition. Même si c'est, disons, une punition qui est quand même, disons, cruelle. Enfin, disons, elle est presque plus déshonorante que la mort pour un chevalier. Voilà, parce elle est déshonorante en tout cas. Et du coup, Gauvin réalise immédiatement de qui il s'agit, il s'appelle Grégorias, et Gauvin lui explique que Grégorias savait très bien que les jeunes filles, les pucelles, les demoiselles sont dans le pays d'Arthur protégées, il y a tout un système juridique qui les protège spécifiquement. Elles ont des sauf-conduits, elles ont le droit de se déplacer pendant que leur sûreté est assurée, tellement il y a des demoiselles qui se font apparemment kidnapper ou... Oui, il y a une industrie des demoiselles à la cour d'Arthur. Mais du coup, il dit, tu savais très bien, et je t'ai puni avec la justice royale, j'avais toute légitimité et toute latitude pour t'infliger cette punition, donc on a nouveau ce thème, en fait, de vengeance de justice royale, et là, on voit que même quand c'est la justice royale, bah, les gens, ils sont quand même rancuniers. Grégorias décide donc de partir et lui laisser juste simplement une vieille rosse. Gauvin, bien obligé, monte sur la rosse pour poursuivre son chemin avec la malpucelle, l'orgueilleuse de l'homme, et il arrive près d'un immense château à 500 fenêtres, d'où il voit que des demoiselles le regardent. Le château est de l'autre côté d'une rivière, c'est là qu'il voit arriver le neveu de Grégorias, qui lui explique que son oncle lui a dit d'aller le tuer, de venir le tuer, et le neveu de Grégorias chevauche Gringolet, ce qui est bien pratique, parce que, du coup, bah, évidemment, Gauvin va battre le neveu de Grégorias, et il va pouvoir récupérer Gringolet. Le problème, c'est que il doit maintenant atteindre le château, avec toujours accompagné de la dame pucelle. On sait pas très bien pourquoi il est accompagné de la malpucelle, on sait pas très bien pourquoi il va voir ce château, hein. C'est toujours très très incertain, les motivations réelles derrière tout ça. Il est bien embêté parce que le passeur lui dit que les adversaires qui sont battus devant cette rivière, normalement, lui revient de droit le cheval des adversaires battus. Et par une espèce de jeu de mots entre cheval, chevalier, Gauvin parvient à lui faire accepter la personne du chevalier battu au lieu du cheval, qui est le sien, quand même. Il aimerait bien garder Gringolet. Le passeur, le nocher qui arrive là, qui est un peu un personnage mystérieux aussi, va l'accepter. Il va traverser le bac, et la malpucelle va rester de l'autre côté, hein. Pour l'instant, et il va finalement arriver au château, il arrive donc avec le nocher, en ayant laissé l'orgueuse de l'ogre derrière, de l'autre côté de la rivière, et donc il arrive au château où il va vivre une aventure qui s'appelle le Lit de la Merveille. Alors justement, on l'avertit que ce château, il y a de nombreuses merveilles qui s'y produisent et qu'il va devoir les affronter, bien sûr tout le monde lui dit non, en fait pas ça, il décide bien sûr de les affronter. Il s'installe sur le lit, même s'il a été averti, il a son écu autour du cou, donc il a son bouclier autour du cou devant lui, coup de bol, parce que au moment où il se met sur le lit, il y a des espèces de fenêtres qui s'ouvrent de partout, des arbalètes qui sortent de nulle part et qui lui tirent une volée de carreaux d'arbalètes et de flèches qui se fichent dans son bouclier mais aussi qui le font saigner, qui se plantent dans plein d'endroits de son corps. Alors qu'il est en train de perdre son sang, il voit d'un seul coup un lion féroce surgir dans la chambre. Alors, il le tue heureusement d'un coup d'épée, il arrive à lui trancher la tête et les pattes de devant d'un coup d'épée. Et du coup, bah voilà, c'est fini en fait, c'était assez court. Il est vainqueur des merveilles du château, il est fêté comme le seigneur du lieu. Il y a une jeune princesse qui vient le féliciter, il voit les reines du château, tout le monde est joyeux parce que voilà, il a réussi à vaincre ces merveilles. Mais on lui dit qu'il ne pourra pas le quitter, il ne pourra pas quitter ce château. D'abord, il est attristé par ça, mais il prend plaisir à parler avec la vieille reine qui habite là, et elle l'autorise à sortir pour aller à la rencontre de la malpucelle. D'ailleurs, elle dit « Oh, j'aime pas assez... » Elle l'avertit un peu sur les protagonistes qui sont à l'extérieur. Qu'elle les aime pas trop. Elle l'avertit à aller à la rencontre parce qu'il promet de revenir. La fin de la journée, je crois. La fin de la journée. Elle est escortée par un chevalier. Donc il se demande, tiens, qui c'est ? Ce chevalier garde en fait le passage de la bande de Galvois et il fait régner la terreur sous toute la région. Mais Gauvin le bat extrêmement facilement, comme d'habitude. Et il le livre de nouveau au passeur. Comme il l'avait fait avant pour celui auquel il avait repris Gringalet, le neveu de Grégorias. Alors, tandis qu'au château, on se lamente de le voir suivre la jeune fille, parce qu'on se dit « Ah, elle est machiavélique, celle-là, il va rien en sortir de bon », elle le met au défi de passer par le Gué Perrier. Elle dit « Mon ami le faisait tout le temps, il sautait tout le temps par le Gué Perrier, donc c'est un gué qui a l'air assez haut, donc il y a une rivière qui peut se passer, mais les bords de la rivière sont assez élevés, et donc c'est extrêmement difficile de passer de l'un à l'autre ». Gauvin y arrive, mais il tombe. En revenant, il est allé chercher des fleurs, en fait, pour la malpucelle. Car son cheval tombe à l'eau, il arrive à sortir, mais de l'autre côté, il rencontre un très beau chevalier. Un certain Grinomalan ou Guiromelan, qui au début, il commence à discuter, mais au début il ne croit pas que Gauvin a vaincu les merveilles du château, mais il discute ensuite, et grâce à lui, bon c'est un peu complexe, mais il va lui révéler l'identité des principaux personnages, donc la Malpucelle, lui-même, le chevalier que Gauvin vient de vaincre, qui était le compagnon de la Malpucelle. Oui, en fait c'est une façon, tout s'embrique un peu de façon un peu bizarre là. Alors en gros, en très résumé, après avoir appris que Gauvin était vraiment seigneur du château, il lui explique que la Malpucelle, en fait, était la jeune fille dont il était amoureux, lui, le chevalier Grinomelon ou Guiromelon, qui la convoitait, mais qu'il n'a jamais réussi à lui arracher des baisers que par la force, et qu'en fait, elle était très triste parce qu'en fait, elle avait un compagnon, et que lui, Guiromelon, a tué ce compagnon en essayant de la pourchasser, et que du coup, c'est pour ça qu'elle le dédaigne, et c'est pour ça depuis qu'elle est amère envers tous les chevaliers. D'ailleurs, il y a peut-être, on a vu avant dans L'Orgueilleux de la Lande un écho de Eric Land, a peut-être un écho de Yvain qui avait marié la femme dont il avait tué le mari. Oui, effectivement. On a peut-être, disons, un parallèle en tout cas. Le chevalier qui a été vaincu était donc le nouveau compagnon de l'orgueilleuse de l'ogre, qui est donc le nom que révèle Guy Romelan pour la Malpucelle, qui était en fait l'orgueilleux de la roche à la voix étroite. Alors lui a été battu, bon, c'est très bien. La reine aux blanches tresses qui règne sur le château, qui s'appelle la Roche de Shanguin, est en fait Igerne. Alors il dit, c'est assez rigolo parce qu'il explique, Igerne c'est la mère du roi Arthur. Puis Gauvin c'est bien parce qu'Igerne c'est aussi sa grand-mère. Il dit, ah, non, mais attends, le roi Arthur il a plus de mère depuis bien longtemps, ça fait au moins 60 ans qu'il a plus de mère. Et le jeune homme, Guy Romelan, lui explique que non, elle n'est pas morte, elle est allée se habiter dans ce château. Alors c'est peut-être un indice déjà que on est un peu dans le monde des morts en fait. Parce qu'il y a des gens qui sont censés être morts mais qui ne le sont pas, ils sont là. On est assez au nord d'ailleurs, hein, on est dans le nord. Le nom de la ville d'où vient le jeune homme s'appelle Ordanès ou Orcanès. Ça rappelle un peu l'Orcanie voisine, donc le Orkney, donc au nord de l'Écosse. La vieille reine aux blanches tresses, donc Igerne, qui est venue là à la mort du Terrapin Dragon. L'autre reine, c'est la mère de Gauvin, la sœur d'Arthur, qui n'a toujours pas de nom d'ailleurs. Toujours pas de nom, c'est tragique, vraiment. Elle est venue avec elle et tout le monde a deux noms, trois surnoms. Elle, par contre, non. Rien. Et même sa fille d'ailleurs a un nom. Elle est venue avec Igerne alors qu'elle était enceinte de Clarissante, qui est la jeune fille qui a accueilli Gauvin dans le château de la Roche de Shanguin, le château de la Merveille, après qu'il ait vaincu le lit de la Merveille, et qui est en fait la sœur de Gauvin, qui est née ici. Donc Guy Romelan explique à Gauvin que sa sœur, qui ne le sait pas, parce que Gauvin n'a toujours pas révélé son nom, que sa sœur Clarissante est son amie. En fait, c'est pas vraiment son amoureuse. Il a juste vu, parce qu'il n'avait pu entrer dans le château, évidemment. Il a juste vu à la fenêtre et tombé amoureux d'elle et lui donne un anneau à donner à cette jeune fille. Pendant ce temps, il lui explique également qu'il déteste Gauvin. Il déteste le frère et puis il dit qu'elle l'aime tellement qu'elle préférerait qu'il tue Gauvin, qu'il déteste que de se faire mal au petit orteil. Enfin, En tout cas, on sait qu'il déteste Gauvin, il veut tuer Gauvin parce que le père de Gauvin, Lot d'Orcany, a tué son père, je crois. Hein. Donc après tout cela, il lui révèle finalement donc le nom du château, la Roche de Shanguin. Il explique que la richesse du château vient en fait du fait qu'on y teint de l'écarlate, de l'étoffe rouge en fait. Ça enlève un peu le côté outre-mondain du château, qu'on oui, sache l'origine matérielle de sa richesse, mais c'est quand même intéressant. Et là, il demande au chevalier qui s'apprête à partir de lui révéler son nom. Et Gauvin dit, ah bah, je veux bien vous révéler, mais vous allez me détester, je suis Gauvin. C'est toi, Gauvin. Voilà. Et du coup, il lui dit qu'il est bien hardi, qu'il voudrait bien le décapiter immédiatement, mais lui offre de repousser leur duel et lui le défie en duel à 7 jours devant la cour d'Arthur. Et il suggère donc de faire venir le roi, la reine et toutes leurs gens. Et lui décide de faire venir tous les hommes de son royaume et de faire un combat sur ce lieu. Gauvin, lui, est plutôt pas très chaud. Il lui dit que il préférait réparer le souci. Il préférait régler ça selon l'équité à l'amiable, exactement. Mais le chevalier Guy Romelan insiste et lui dit d'aller à la cour du roi Arthur à la Pentecôte, parce qu'à la Pentecôte, il tiendra cour en Orcanie, qui n'est pas loin d'ici, c'est à 2 jours de route. Et il lui dit d'envoyer un messager là-bas pour envoyer le roi et la reine et toute la cour pour témoigner du duel, effectivement. Du coup. Il propose sur ce à Gauvin de lui mener vers un pont qui lui permettra de repasser le gué périlleux, parce que du coup, comme ça, il pourra retourner au château. Et Gauvin décide non, je vais pas laisser encore la jeune fille perfide. Il décide un peu. C'est là Gauvin qui a d'ailleurs accepté les insultes de la Malpucelle qu'il a insulté pendant tout le trajet. On l'a pas beaucoup précisé, mais elle lui dit des horreurs dès qu'il fait la moindre chose en le traitant de lâche. Là, il décide quand même de se dire non, j'en ai assez, je vais ressauter le gué. Comme ça, elle ne pourra plus rien me dire. Et effectivement, ce qu'il réussit à faire, il revient vers l'orgueilleuse de l'ogre et elle lui explique effectivement qui était Guy Romelan. Elle lui admet en fait qu'elle a eu tort elle se repentit. Elle lui dit qu'elle a eu tort de l'insulter ainsi. Et elle lui explique qu'en fait, la raison pour laquelle elle est si amère, c'est à cause de ce chevalier qui a tué son premier ami. Ce qui est intéressant, parce qu'on s'imagine qu'on pourrait penser qu'elle raconterait une autre version de l'histoire de Guy Romelan et qu'on devrait juger l'une et l'autre qui dit la vérité. Mais en fait, non, elle dit non, Guy Romelan a bien buté mon compagnon comme il l'avait avoué. Donc finalement, on confirme que Guy Romelan, c'est pas un personnage qui est présenté positivement. Il est très honnête à propos de lui-même, d'ailleurs. Il dit ouais, il déforme un peu les choses par rapport à la jeune fille, hein, parce qu'il la sœur de Gauvin, on ne sait pas encore qu'il n'a pas vu. Hein, ce qui est l'application qu'il a dit pour l'instant, c'est qu'elle l'aime et qu'elle a pu communiquer avec lui. Donc Gauvin, l'orgueilleuse de l'ogre, retourne au château. Gauvin, une grande célébration. Gauvin s'assied sur l'île de la Merveille. Il discute avec Clarissante ou Clariante, sa sœur. et Clarissant lui explique qu'en fait, Guy Romelan effectivement l'aime, mais qu'elle n'en a rien à faire, en gros. Et pendant ce temps, Igerne et la mère de Gauvin, qui ne savent pas encore qui il est, se disent « Ah, ils vont bien ensemble, ces deux... » Comme ils sont comme frères et sœurs, ce serait bien s'ils étaient plus que frères et sœurs, tout en sachant que... ils ne savent pas qu'ils sont frères et sœurs, donc il dit « Ils semblent être comme frères et sœurs, mais ce serait mieux s'ils étaient encore plus que frères et sœurs. » C'est vrai que, bon, on pourrait... Je pense que pour un lecteur moderne, ça risque de renforcer des liens incestueux qui n'ont pas l'air là. Quand les gens disent être plus que frères et sœurs, c'est comme nous, on dirait des âmes sœurs. C'est dans ce sens-là, dans ce sens... Quand on utilise ces liens fraternels figurés. Puis là, justement, bah, c'est ironique parce qu'il y a un lien fraternel réel. Bon, il nous dit bien, hein, « Cum suere frère estuit-il, que d'autre amour point y aura quand l'un de l'autre saura qui elle est sœur et qu'il est frère. » Donc, en fait, il nous dit bien, bon, il n'y aura pas d'autre amour que celui d'un frère et d'une sœur, ne vous inquiétez pas. Et du coup, il révèle son identité aux trois dames. Et il explique qu'il doit décider d'envoyer un messager à la cour d'Arthur pour effectivement aller chercher le roi pour faire son duel contre Guy Romelan. Et c'est là qu'il envoie donc un jeune homme qui va aller de l'autre côté, passer avec le Neuchâtel, rejoindre la cour du roi Arthur. Et sur ce, c'est là qu'on laisse Gauvin. Il commence à adouber des chevaliers au château de la Merveille, au château de la Roche-Changin. C'est là que l'histoire de Gauvin en fait se termine pour nous, puisque les dernières lignes ne le concernent pas du tout. En fait, on suit le messager qui va à la cour d'Arthur. Et là, à la cour d'Arthur, tout le monde est triste parce qu'on n'a plus de nouvelles de Gauvin. Tout le monde est terriblement triste. Ce qui est justement bizarre parce que c'est en Orcanie, c'est le domaine de son père. On s'attendrait à ce qu'on sache où il est. Le roi voit la belle assemblée. Parce que le roi vient d'arriver en même temps que le messager, plus ou moins. Le roi voit l'assemblée, voit que Gauvin n'y est pas. Et je vous lis les dernières lignes du roman. « L'Iroi fut morne et pensif quand il vit sa grande baronnie et de son neveu n'y vit mille. Si cette pâmée de grande détresse au relevé fut sans paresse, s'il qui promit y pour venir, qui tuite l'occurrence soutenir. Et Madame Laure s'éouette en une loge si ouette, le duel qu'en demeine en la salle, de la loge juste en aval, c'est à la reine venue, en sens comme tout est perdu. Et quand la reine la voit, s'il y demande qu'elle avouette. Expliquit les romances de Perceval. Donc le roi devint sombre et pensif quand il vit la belle assemblée des grands et qu'il ne vit pas son neveu. De grande détresse, il tombe évanoui, on fait diligence pour le relever, et c'est à qui il parvient le premier, car tous se précipitent pour le soutenir. Cependant, Madame Laure était assise dans une galerie d'où elle entendait la douleur qui monte de la salle, elle descend de la galerie, elle a couru à la reine, tout éperdue qu'elle était, la reine l'aperçoit et lui demande ce qu'elle avait. Ici s'achève le roman de Perceval. Donc Madame Laure, c'est une fée dont on pense qu'elle est liée à Gauvin, qu'elle devrait être une compagne amoureuse de Gauvin. On ne sait pas exactement, c'est pas du tout décrit dans le récit. Hein. C'est pas dit dans le récit. Madame Laure. Madame Laure. Le roman, le passage sur Gauvin et le roman s'achève avec cette Madame Laure qui explique à la reine que Arthur s'est évanoui. Ce qui n'est pas d'ailleurs un grand événement dans le grand temps d'un jour, puisqu'il va se réveiller. Non, et puis puisqu'il a la capacité émotionnelle d'une cuillère à soupe qui s'évanouit. Enfin, moi j'aime beaucoup ce Arthur qui est très émotif, puis justement il voit pas Gauvin, donc il s'évanouit de douleur devant ça. C'est très émotif comme moment. Il est tellement douloureux qu'il ne peut pas vraiment vivre avec l'idée que Gauvin ne soit pas là. Il vit toutes ses émotions à 100%. Donc ça, c'est la fin du Perceval. C'est très abrupt, donc voilà, quand on dit roman inachevé, malheureusement, c'est pas un euphémisme. Je pense qu'on va faire de nouveau une petite pause musicale et on va ensuite, après ça, essayer de vous présenter quelques théories pour essayer de le comprendre, quelles sont les interprétations du Graal qu'on trouve en général. On va pas pouvoir aller dans le détail parce que beaucoup de ces interprétations vont faire référence à des œuvres qu'on va voir plus tard, typiquement le Perret d'Our, le Père Lesvos. Le roman de Geoffrey, des choses comme ça, où on pense que peut-être le prototype de Perceval, s'il y avait un prototype gallois de Perceval, qu'il a pu, disons, sointer par-ci par-là et qu'on pourrait en retrouver des morceaux ailleurs. Donc on pourra pas forcément vous faire toute la lumière dessus, et de toute façon, dès que des gens prétendent qu'ils peuvent faire toute la lumière dessus, généralement c'est des arnaqueurs. Mais on peut peut-être vous présenter en tout cas les pièces du puzzle et vous montrer qu'est-ce qui s'emboîte vraiment bien là-dedans. Alors nous voilà de retour pour cette fois-ci vous révéler le secret du Graal, enfin Voilà, pas besoin de vous arrêter ailleurs, hein. Rex Condam, Rex One Stop Shop. Refusez les imitations. J'aimerais d'abord pointer une chose, c'est que même ceux qui prétendent avoir craqué l'énigme, parce que bon, on a énormément d'histoires d'interprétation sur le Graal, je veux dire, une des plus récentes et des plus marrantes récemment, c'était Da Vinci Code, finalement, qui disait que c'était Le Graal, c'est l'ensemble des documents qui prouvent l'existence. Je dis, j'aimerais bien servir le fil du roi pêcheur, tu sais, dans le classe, dans le manuscrit, en fait. Bah, Da Vinci Code, finalement, c'est une interprétation presque trop chrétienne, parce que, purement chrétienne, parce que lui, il dit, basiquement, c'est juste une espèce de métaphore pour la lignée du Christ qui aurait survécu, bon. Mais même ceux qui admettent avoir trouvé le sens, comme Jean Marcal, par exemple, un chercheur très celtisant, qu'on a eu l'occasion de traiter plusieurs fois dans C'est pas sourcé. Je te trouve gentil, chercheur. Lui, par exemple, il a, mais son livre sur le Graal est relativement honnête. Non, il documente bien, il documente bien ses sources, effectivement. C'est pas un grand académicien dans le sens où, peut-être quelqu'un comme Micha, comme... Il est pas forcément très rigoureux avec ce qu'il en fait, mais... Il a quand même des vérités assez populaires, comme... Mais il va quand même lui-même admettre qu'il y a des problèmes. Genre, il va dire, il y a un Graal franco-britannique primordial, qui trouve justement dans le Père Edour, le Père Lesvos, le Perceval, le roman de Geoffrey. Pour lui, ce serait une histoire de vengeance, on en parlera un peu, probablement qu'il a raison de ce côté-là. Ensuite, il y a un Graal cistercien, c'est quand après ça va devenir le récipient qui contient le sang de Jésus, donc un Graal bien christianisé, mais qui a rien à voir avec le premier. Pourquoi cistercien? Mais c'est parce que la quête aurait été influencée. La quest del Saint Graal et puis tout le cycle du Lancelot Graal, on pense qu'il y a des influences cisterciennes. Maintenant, donc il appelle ça le Graal cistercien. Et donc il admet finalement que c'est une création littéraire. Il dit oui, il n'y avait pas un grand complot d'auteurs qui étaient tous au courant et puis qui se payent notre pomme en nous mettant des énigmes ici ou là et qui sont tous au courant du même secret. Non, c'est une création littéraire au fil du temps. Et les gens savaient pas vraiment ce que Chrétien avait en tête. Et après ça, il nous sort, il voit que le Graal, ça devient n'importe quoi en Allemagne. Le plus célèbre, c'est certainement Wolfram von Eschenbach, qui a son Parsifal, où le Graal, c'est une pierre incandescente, une pierre précieuse, une lapis exilis. Une pierre incandescente qui peut matérialiser de la nourriture. Et là, il nous dit, forcément, c'est pas du tout la même chose qu'avant. Donc il dit, là, il y a un Graal germano-iranien, où on aurait préservé une mystique orientale. Et en fait, du coup, il y aurait plusieurs secrets différents qui se seraient greffés sur... Enfin... Même lui, il est obligé d'admettre, c'est tellement évident que c'est une création littéraire au fil du temps, le Graal, qu'après Chrétien, les gens savent pas ce que Chrétien voulait faire, donc ils vont essayer d'interpréter comme ils peuvent. C'est tellement évident que c'est une création littéraire que si vous voulez imaginer un secret, vous devez imaginer plusieurs secrets. Il y a aussi Loisarmer qui a fait un livre, L'énigme du Graal, qui est pas trop mal. Il a l'air d'avoir une obsession assez malsaine pour la franc-maçonnerie qui a l'air liée à ce sujet, je sais pas exactement pourquoi, mais enfin, beaucoup des gens qui traitent de ces sujets ont des marottes assez inquiétantes, mais voilà, on n'est pas là pour juger non plus. Mais lui-même, il dit que dans le Perceval, il y a deux archétypes qui ont été mélangés. Un où on cherche des objets miraculeux pour restaurer la Terre, donc ce serait le Graal, et un autre qui serait cette histoire finalement de vengeance. Pour lui, ce serait un dos européen. Je trouve ça un peu peut-être spéculatif. Donc, un peu facile, surtout. Un peu facile. Bon, c'est un motif de conte, disons, tellement élémentaire, disons, le fils d'une veuve qui veut venger son père, que finalement, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'imaginer une origine commune pour imaginer qu'il se reproduise à plusieurs endroits. Donc, on a plusieurs théories là-dessus. Celtique, chrétien, est-ce que ce serait l'écho d'un rituel ancien? Est-ce qu'il y aurait un drame familial en jeu, justement, ce lien avec la famille de personnes? On va vous évoquer certaines. Alors, la plus populaire, je pense, parce que c'est peut-être la plus facile à comprendre, ce serait que le Graal, ce serait un écho de récipients magiques qu'on trouve effectivement dans des histoires, dans le folklore celtique, gallois ou irlandais. Par exemple, vous avez le chaudron du Dagda, vous avez une corbeille, une espèce de corbeille magique dans Culhwch et Olwen. Il y a le chaudron du chef de l'Annwn que Arthur va chercher dans le prix de Annwn, justement, un des poèmes qu'on avait évoqué précédemment dans le... Donc vous avez même... Il va chercher une lance et un chaudron même dans les Prélus à Noun, donc certains ont... Il va en quête de ce chaudron dans l'autre monde, ce qui pourrait effectivement évoquer Perceval. Il y a... En fait, c'est une... Il va à la rescousse de Gwaer, qui est un des prisonniers exaltés de l'île de Bretagne, qui se trouve dans une île, dans un fort, dans l'eau, et c'est là qu'il trouve en fait le chaudron. Les corbeilles... Il y a une corbeille magique qui est demandée par Isbaden, je crois, dans Culhwch et Olwen, il me semble, hein, c'est pour nourrir les invités au mariage de Culhwch et Olwen, donc c'est des motifs assez similaires. Ça fait assez corne d'abondance, mais finalement, c'est un truc de production, quoi. Aussi, dans Kaamelott, il blague sur les cornes d'abondance, parce que justement, c'est des choses qui fournissent beaucoup d'abondance, qui fournissent généralement beaucoup de nourriture. Si tu veux résoudre le problème d'infertilité d'un endroit. C'est souvent ça qui vient l'idée. On a aussi, on a dit le chaudron de Zagda, des récipients qui sont liés à Bran, vous avez les vers dont on sert pour traire une vache qui produit du lait infini. Vous avez pas mal de ces récipients abondants, si on veut. Dans la littérature médiévale irlandaise ou galloise. Un gros problème, un énorme problème avec ça, c'est que malheureusement, ça explique pas grand-chose. Alors oui, ça explique la scène du festin. Ah oui, il mange bien. On nous dit qu'il mange bien. Bon, bah, en même temps, chez Chrétien de Troyes, à chaque fois qu'il y a un repas, on vous dit que c'est le meilleur repas du monde. Donc le fait que c'est un bon repas, effectivement, ça expliquerait que Perceval soit servi un bon repas. Mais justement, ça expliquerait le truc qui avait le moins besoin d'explication dans cette histoire. Il y a plein d'éléments qui prêtent à confusion. La famille de Perceval, les blessures de son père, les blessures de son oncle. Pourquoi est-ce que tout le monde semble s'être réfugié dans des pays bizarres à la mort du Terpendragon? Parce que la mère Igern, la mère d'Arthur, est partie à la mort du Terpendragon. C'est le même moment où le père de Perceval s'est réfugié dans cette forêt. Donc vous avez, on nous donne ce même repère chronologique à la mort du Terpendragon. Est-ce qu'il y a eu des problèmes dynastiques? Vous avez ces guerres contre les seigneurs des îles. Vous avez tout ça. Et si je vous dis, bah, c'est un récipient d'abondance. Et Chrétien a même l'air de nous faire un pied de nez. C'est qu'il nous dit, ah non, mais il n'y a pas de brochet de l'empereur ou de nourriture dedans, non, c'est juste une hostie. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de nourriture, vous avez besoin de juste une hostie. Donc c'est possible que justement, Chrétien soit en train de reprendre, de christianiser, de survertir, et peut-être même de moquer, parce qu'il est assez malicieux, ce motif de récipient d'abondance. Mais c'est clair qu'une fois que vous avez dit ça, on ne vous explique pas grand-chose. Une autre théorie ritualiste, je passe vite dessus, très connu de Jesse Weston qui a lié ça au rituel d'Adonis. On a fait une vidéo de C'est pas sourcé sur Adonis et sur Fraser si vous êtes intéressé. Donc dans la lignée de Fraser et aussi de Jane Ellen Harrison, donc c'est Oxfordien qui parlait beaucoup de rituels de fertilité. Jesse Weston a interprété la littérature arthurienne comme ça, puis elle considère que le roi pêcheur justement ce serait la représentation du cycle annuel, c'est-à-dire que le roi il est pendant la période stérile de l'année il est blessé puis après il est restauré à son plein pouvoir. Donc dans ces théories de Fraser. Puis ça, ce serait un écho d'un ancien rituel. Voilà, c'est une théorie ritualiste. C'est pas ça, très... ça a beaucoup de succès, notamment dans... même si T.S. Eliot le considère un peu comme des bêtises un peu qui sont néfastes. Ça a eu beaucoup de succès parce que ça a été repris, justement. Eliot l'a repris dans The Wasteland. Il tire son titre, son grand poème post-Première Guerre mondiale sur la fin, en gros, de l'ordre établi. Donc, il y a eu une influence littéraire assez forte. Si vous cherchez des éléments... dans la littérature, souvent, Weston a eu une influence assez importante. Bah souvent, ces théoriciens, le truc, c'est qu'ils parlent beaucoup, généralement, aux artistes ou aux nerds, parce que leurs théories permettent de bien tout catégoriser. Puis académiquement, ils ont moins de succès, parce que les gens se rendent compte que bon, ça explique pas forcément tous les problèmes qu'on a, c'est peut-être pas la meilleure interprétation, peut-être qu'il y en a d'autres. C'est très ésotérique, ça a beaucoup de succès dans les idées, tu sais. C'est, en fait, disons, c'est l'idée d'un rituel particulièrement symbolique, très lourdement chargé de symbolisme. Ça tend à bien plaire, je pense pas que ce soit forcément très éloigné des processus, des idées derrière le Da Vinci Code, même si voilà. Le Da Vinci Code en fait quelque chose de purement chrétien, c'est des idées similaires en fait au fond. Mais ça a encore du succès, il y a je crois notamment Philippe Jouet, je sais pas quel statut il a, mais il considère que justement celui qui reçoit le Graal c'est le symbole de justement ce renouvellement du cycle annuel. Mais c'est tous des petits joueurs devant notre vieil ami Joseph Campbell qui lui considère que la légende arthurienne c'est des échos de rites néolithiques du Proche-Orient qui ont survécu jusque-là en Bretagne. Joseph Campbell a beaucoup aimé la légende arthurienne dans son Creative Mythology, il dit des espèces d'énormités comme ça. Mais ça, disons, ça a relativement peu de succès comme théorie. Maintenant... Tant parce que Joseph Campbell n'a pas beaucoup de succès en général parmi les gens sérieux. Maintenant, une autre théorie, bah, c'est une interprétation... chrétienne, c'est-à-dire que même si on admet, franchement c'est parfaitement possible que Chrétien soit inspiré de récipients d'abondance du folklore celtique, entièrement possible, même si on l'admet, c'est clair que bah, là le récit a beaucoup de christianisme dedans, donc peut-être que c'est une interprétation chrétienne de cette procession qu'on devrait chercher. Alors on peut la diviser un peu en deux en fait, il y a deux idées assez voisines et qui se nourrissent l'une l'autre, qui se nourrissent l'un l'autre en fait, les idées, les théoriciens de l'une nourrissent ceux de l'autre. La première, bah, purement historicisante, c'est celle d'Hélène Adolphe qui estime que Perceval qui est dédié à, on l'a vu, Philippe d'Alsace, comte de Flandre, est un reflet de ce conte. Est un self-insert. Ouais, un peu un self-insert, une idée de ce conte qui est allé en Terre Sainte, dont la famille est associée à la Terre Sainte et à Dirly, qui son père a ramené une fiole qui contient du sang du Christ. Lui-même était intéressé dans ces objets. Il était en Terre Sainte, ou aux alentours, en tout cas dans l'Orient, quand à Antioche, on trouve, au 12e siècle, une lance qui est censée être la Sainte Lance, qui va être plus tard gardée à Byzance. Donc l'idée, enfin Byzance à Constantinople, l'idée est qu'il y ait un certain lien entre Philippe, entre Perceval, entre la lance qui a été trouvée, la Sainte Lance qu'on trouve, la lance qui saigne. L'idée aussi que la terre gaste du roi pêcheur pourrait être une allusion à la terre sainte qui a été éventuellement saccagé par les musulmans ou par l'arrivée des conquérants venus de l'Est ou du Sud. Maintenant, c'est pas forcément, c'est très très hypothétique, ça se base beaucoup sur des conjectures. Ça a nourri certaines idées d'Alexandre Micha en retour. Micha défend l'idée que le Graal est en fait une bixide, c'est-à-dire un récipient qui sert à conserver les hosties, donc c'est une espèce de ciboire clos, soit un ciboire, soit une pixide, mais la pixide est plus particulièrement la ciboire clos qu'on met dans le tabernacle. Et que ce Graal serait donc aurait le rôle d'une pixide. On dispute ceci notamment parce que le fait que le Graal est explicitement appelé un Graal, c'est-à-dire un plat, et que Chrétien sous-entend que le Graal pourrait contenir l'amproie, brochet, donc saumon. Des poissons assez conséquents. Oui, c'est pas des poissons, c'est pas des petits anchois, c'est pas des sardines, c'est vraiment des poissons conséquents. Donc l'idée serait un peu que le Graal serait simplement l'illustration d'un rite chrétien particulièrement tout à fait simple, donc l'extrême onction ou la communion tout simplement. Une communion à des malades. Après, c'est pas forcément parce que le Graal n'est pas littéralement une pixide que l'idée n'est pas intéressante. Ça pourrait, et c'est peut-être ça qui a connu du lien. On en a très peu parlé finalement, mais le Graal, l'idée du Graal général sera ensuite, et c'est une idée qui est d'ailleurs assez peu commenter, parce que c'est simplement avec Robert de Boron qu'elle approche et qu'elle arrive et qu'on va assez peu la discuter, le fait que dans Robert de Boron et dans la plupart de la littérature italienne ensuite, le Graal, c'est le récipient avec lequel Joseph d'Arimathie a récupéré le sang du Christ. Alors ça va varier selon les hypothèses, que ce soit aussi le récipient qu'il aurait utilisé à la Sainte Cène, ça aurait pu être effectivement également les deux à la fois. Mais en tout cas, le récipient dans lequel Joseph aurait recueilli le sang du Christ et qu'il aurait été ensuite amené en Bretagne. Et de là, effectivement, ça fait peut-être un peu plus de sens d'imaginer un Graal utilisé dans cette façon. Un grand récipient à large bol, si tu récoltes du sang, t'as pas envie d'avoir un truc assez étroit parce que ça saigne, donc, un peu signaté partout. On peut éventuellement essayer de projeter ça, mais c'est pas quelque chose qui apparaît chez Chrétien. D'ailleurs, même si on nous dit que le Graal est un très saint objet, il n'y a pas les mêmes allusions qu'on retrouve avec la lance. Il y a un parallèle qu'on trouve, c'est que je vous rappelais dans Erec, je l'avais mentionné à l'époque, il y a une sainte croix dans l'église, je crois, où il se marie, qui est sertie d'or et de pierres précieuses, donc très proche de la description du Graal, et on nous dit qu'elle elle répand une telle lumière que l'église n'a pas besoin de chandelles. Or, on nous dit que le Graal brille tellement que les chandelles des valets qui amènent les chandeliers disparaissent comme les étoiles quand le soleil arrive. Donc dans les deux cas, on a une description assez proche du merveilleux, c'est-à-dire de l'or, des pierres précieuses, qui répand une lumière telle que ça rend des chandelles inutiles, de manière différente, hein, mais ça rend des chandelles inutiles. Donc c'est possible, vu qu'il a déjà utilisé ce genre de description-là pour une relique de la Sainte Croix, qu'on ait un objet de même nature qui soit aussi une relique. C'est possible. Après, c'est moins clairement soutenu que la Sainte Lance. On nous dit clairement, il y a une raison derrière cette Sainte Lance qui saigne. il faut comprendre quelle est l'origine de celle-ci. Alors que le Graal, on attache très peu chez chrétiens d'importance à l'origine du Graal. La seule chose qui en importe, c'est qui l'on en sert. À qui on destine. Et ça me fait penser que le processus est plus important. Et c'est pour ça que j'aime bien l'idée, effectivement. Je pense qu'en tout cas, il y a ce passage par une idée que c'est un récipient qui sert à l'eucharistique, c'est un phénomène eucharistique. À mon sens, c'est, en tout cas chez chrétiens, c'est sa principale fonction. Après, que ce soit un Graal, c'est intéressant en soi, et ça, on peut éventuellement essayer de l'expliquer par une origine autre, que ce soit l'idée celte, l'idée ritualiste, enfin, ce que vous voulez, mais je pense quand même que chez chrétiens, le fait simplement qu'il y ait une hostie dans le Graal me semble invalider l'idée que chrétien a en tête une théorie particulière qui ne concerne pas le Christ, en fait, l'eucharistie. Ça me semble, je comprends pas pourquoi on aurait une hostie dans quelque chose qui ne veut pas évoquer l'Eucharistie. Donc là, si vous avez vraiment le début d'explication du Graal, ce serait peut-être un antécédent celtique, folklorique, peut-être une signification chrétienne, il y a une hostie dedans en tout cas, donc c'est foncièrement christianisé. Ce qui semble effectivement, ce qui peut permettre d'être en doute Micha, c'est précisément le fait que ce soit un Graal et pas, on lui a amené un ciboire qui brille d'or particulièrement fort, il y aurait une hostie, quoi. Il y aurait clairement pas autant de débats si c'était le conte du ciboire. On se dirait, c'est un ciboire, soit le ciboire que le Christ a utilisé, enfin, il y a un rapport avec la Sainte Cène. C'est assez net. Là, c'est un Graal, ce qui est un peu plus compliqué quand même. Je pense maintenant il faut arriver à ce que Poirion dit de manière assez légitime. Je trouve qu'il y a clairement une histoire de drame familial là derrière. Et je pense que c'est très clair quand on voit que les protagonistes du cortège du Graal se révèlent être de la famille de Perceval, que son péché ça a été d'abandonner sa mère, que sa famille a été massacrée, qu'un des thèmes principaux c'est celui de la vengeance, de la vendetta et de la justice. Que Perceval est le seul à être envoyé à la quête du Graal aussi. Que Perceval est le seul à être envoyé à la quête du Graal, donc c'est quelque chose de personnel. On se retrouve là-dessus. Il a été remarqué par Claude Lévi-Strauss dans son Anthropologie structurale 2 que Perceval était un Œdipe inversé. Alors on vous a dit qu'il y a des thèmes un peu incestueux, justement le fait que le frère de sa mère, son oncle, ait des traits tellement proches de son père qu'on en est à se demander si c'est pas la même personne, autrement dit que ses parents seraient frères et sœurs. Tante et neveu. Lévi-Strauss remarquait que Perceval était un Œdipe inversé parce qu'au lieu d'un petit malin qui pose toutes les questions et qui résout les énigmes comme Œdipe, et qui investigue Œdipe, finalement, sa faute, c'est qu'il fait une enquête sur ses origines et il découvre ça. Le problème de Perceval, au contraire, c'est qu'il échoue à poser la question et que c'est ça qui déclenche la catastrophe. Donc il disait déjà, c'est un Œdipe inversé, en tout cas dans le processus des questions. Et il parlait justement de que c'était un motif de conte assez courant, l'énigme ou le fait d'échouer à répondre à une énigme. Ce qui nous amène au thème de la vengeance. Alors, je pense que c'est assez clair. Vous aurez remarqué, si vous écoutez, c'est... Pour moi, le thème majeur du conte du Graal, c'est celui de la vengeance et de la justice. On voit des gens qui ont des offenses, qui sont ensuite réglés par des combats. C'est quelque chose qu'on voit dans les autres aussi, romans de Chrétien III. Mais là, vraiment, on a Gauvin qui est confronté à quelqu'un qui l'a puni par le passé, qui veut se venger. On parle tout le temps des gens qui ont tué des membres de la famille d'autres, ce qui n'est pas aussi proéminent dans les autres. Là, à chaque fois, Gauvin, son père a tué le père de Guy Romelan, Anguy Guéron qui est impliqué dans la mort du père de Blanchefleur et qui a donc tué le frère de Gornement. Vous avez régulièrement des gens qui s'accusent l'un l'autre. Vous avez Gauvin, et c'est peut-être une des traces des plus évidentes, qui est accusé d'avoir tué le roi d'Escavalon. Or, le roi d'Escavalon, c'est celui auprès duquel le frère aîné, un des frères aînés de Perceval, avait fait son éducation chevaleresque. Donc, si le père de Perceval avait confié un de ses enfants au roi d'Escavalon pour le faire éduquer en tant que chevalier... Il y a quand même l'idée qu'il y a une connexion entre la famille d'Escavalon et la famille de Perceval. Et on a tous ces seigneurs des îles, ceux qui combattent Blanchefleur notamment. On finit par se dire peut-être que Perceval et sa famille faisaient partie des ennemis d'Arthur. Parce que Arthur, il vient de gagner une victoire. Une guerre contre les seigneurs des îles. Contre un seigneur des îles, Rion. Une manière d'interpréter, c'est de se dire Perceval, c'est un membre déchu d'une famille qui s'était opposée à Arthur. Et qui là, va le servir avec une certaine ironie du coup. Mais qui du coup se retrouve à combattre ceux qui étaient avant ça, c'est finalement des gens liés à son clan. C'est peut-être aussi ça le twist final qu'on n'aura jamais, une fin où Arthur finalement voit Perceval se retourner contre lui parce que Perceval comprend finalement que le vrai sens de tout ça c'est qu'il devrait défendre, que Perceval est un héros inversé jusqu'au bout et qu'il en fait est un vilain. Personnellement, je pense que c'est improbable. Non, maintenant, je pense pas que c'est très sérieux, mais j'imagine l'idée... C'est fort possible que... Bah justement, une théorie qui est défendue à partir du Père Lesvos, du roman de Geoffrey... Bon, le Père Lesvos, c'est d'ailleurs qui fait figurer notamment la mort du fils d'Arthur en main de queue. Oui. Donc il y a aussi ces idées de meurtres interfamiliaux... Bon, c'est aussi ça, c'est que c'est pas forcément... disons, le meurtre, c'est quand même... Le meurtre et la vengeance, c'est quand même un thème relativement large... Donc, c'est si pas c'est nécessairement ça, des entre familles, mais ça peut être aussi de l'un un individu à un individu. Le problème, c'est que du coup, il y a des gens qui vont aller piocher dans des œuvres beaucoup plus tardives, comme le Sir Percival ou une œuvre italienne, le Cantare di Carduino, où il y a vraiment des Cantare di Carduino, il y a vraiment une vendetta entre les fils de Lot et les fils de Pélinor. Donc entre Perceval et ses frères, contre Gauvin et ses frères, vous avez vraiment une vendetta où l'un venge la mort de l'autre. Certains utilisent, par exemple, le Reductionem Morale. De Pierre Bercher, où on a une scène où Gauvin se retrouve dans un château. Il dit « Ah, je ne vous parlerai pas des aventures de Gauvin et Arthur » et il nous fait part d'un épisode perdu où Gauvin va dans un château sous l'eau et où il y a un géant qui se réveille et qui se cogne la tête contre le plafond et il y a un plat dans lequel il y a une tête. Et apparemment, on a des épisodes du genre, donc des têtes coupées, par exemple dans le Pérédour. Le Pérédour, le Graal ne figure pas dans le Pérédour. Dans la procession, elle est bel et bien là, il y a bien une lance qui saigne également. Mais la structure de Pérédour, c'est que... Enfin, c'est qu'au lieu d'avoir le Graal dans un plat dans lequel on transporte une hostie, il voit passer une tête coupée dans un plat. Et la tête baigne dans le sang. Et on lui explique après, la demoiselle à la mulefaux se révèle être en fait un cousin de Perceval. Et la tête coupée est celle, il lui explique, d'un autre de tes cousins qui avait été tué par les sorcières de Gloucester. Enfin et là, la mission de Perceval à la fin du récit, de Pérédour en l'occurrence, c'est d'aller tuer ses sorcières. Une fois qu'il a tué ses sorcières, qui lui ont aussi appris à se battre d'ailleurs, une fois qu'il a tué ses sorcières, eh ben, le récit se termine et il a accompli sa mission. Ce qui était de venger son cousin, et la raison pour laquelle l'oncle chez qui il restait, parce que c'était bien un oncle, cette fois-ci le roi pêcheur dans Pérédour, était blessé et ne pouvait pas vivre correctement, en fait. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver bah, justement aussi dans le Père Lesvos, qui est un roman très violent, mais qui est même chose, il doit venger le roi pêcheur contre Pertinal ou Partinax, qui est un méchant chevalier traître, qui lui a porté un coup douloureux, quelque chose qu'on retrouvera aussi dans les continuations. On vous en parlera quand on les évoquera au fur et à mesure, c'est un peu beaucoup à assimiler, mais il y a clairement des motifs dans d'autres variantes qui laissent penser que peut-être il y avait un prototype gallois, qui est probablement l'origine commune du Père Edour et du Perceval, où justement c'était une histoire de vengeance, et probablement le Chrétien s'est dit, bon, c'est pas une super valeur, c'est pas très moral. Et c'est là qu'on a en fait l'émergence de la chevalerie chrétienne, noble, où on doit épargner les autres, où le christianisme prend un rôle de premier plan. Peut-être. D'ailleurs, la vengeance n'est pas achevée, puisque Perceval va précisément à l'encontre de la vengeance. D'ailleurs, ce serait peut-être quelque chose qui renforcerait dans l'idée que Perceval, qui est le fils des ennemis d'Arthur, s'en va finalement à la cour du roi Arthur et qui finit par réconcilier les deux camps. Au lieu d'avoir, de livrer Enguerrand et son maître à Blanchefleur ou à Gornement, il préfère les envoyer à la cour d'Arthur où ils vont pouvoir vivre en paix et être pardonnés. Et... Probablement que s'il avait fait une fin, il y aurait quelque chose de conciliant. Justement, à la fin, Gauvin, quand il y a Guy Remelant qui le confronte, il lui dit « Je préférerais, plutôt que faire un combat, qu'on réunisse des gens qui nous sont proches, nos amis, et qu'ils arbitrent le problème qu'il y a entre nous. » Il demande une solution qui est finalement judiciaire, au sens où on l'entendrait nous, pas au sens où on s'écharpe avec des épées, pas au sens Game of Thrones. Mais lui, il veut pas. Et donc, ça peut être convaincant d'imaginer qu'il y a un prototype de vengeance que Chrétien aurait tenté d'adoucir ou de donner d'autres réponses à ce problème, en fait. À mon sens, un des cœurs, en tout cas, il y en a plusieurs, hein, il y a beaucoup de thèmes, mais un des autres cœurs du roman, c'est précisément sur la bonne chevalerie et la mauvaise chevalerie, enfin la chevalerie incomplète. Disons que Perceval montre jusqu'à son... En tout cas, y compris à son échec, puisqu'il échoue parce qu'il ne pose pas de questions, il échoue parce qu'il réprime sa curiosité spirituelle, il échoue parce qu'il ne va pas vers des valeurs un peu plus hautes que sa mission ou les valeurs martiales inculquées dedans par Gornement. Cet échec central est causé précisément parce que l'instruction de Gornement n'est pas assez complète. Il ne lui a pas dit il faut être intéressé par les choses spirituelles un peu étranges, il faut se poser des questions, il faut pouvoir savoir apprendre la vérité divine. Et c'est une partie importante de la chevalerie, cette partie spirituelle, finalement, ça va devenir d'ailleurs quelque chose d'assez important. Une chevalerie qui est au début quelque chose de très militaire gagne un prestige aussi petit à petit plus symbolique, spirituel. Quelque chose, un procédé qui va avoir lieu tout au long du Moyen-Âge, jusqu'à finalement ne plus garder que cet aspect symbolique. De nos jours, on a encore des chevaliers qui sont adoubés en Angleterre, mais enfin, c'est vraiment un procédé purement symbolique qui n'a aucune conséquence militaire. Quand tu te fais nommer sœur machin ou dame truc à la cour du roi de la reine d'Angleterre, c'est pas pour la servir à la guerre, c'est vraiment une reconnaissance de valeur. Et ça n'a plus qu'une valeur symbolique aujourd'hui. Dis-moi jusqu'à ce qu'elle reprenne son pouvoir véritable et réclame la couronne de France. Je pense que Badgett aurait des trucs à dire contre ça. mais voilà, effectivement, il y a beaucoup d'influences possibles qui se croisent dans Perceval, il y a beaucoup de messages différents qui en ressort. C'est clair que c'est très facile de lire, il y a énormément à lire là-dedans, c'est un roman qui est riche de correspondances, de parallèles, d'enseignements, de morale. Moi, je vois surtout le thème de la vengeance. Si on prolonge le Yvain, qui était celui d'avant, on voit aussi beaucoup le thème de comment les hommes traitent les femmes, pas très bien, généralement, et qui est aussi extrêmement important. Il y a ces personnages misogynes, comme l'Orgueilleux de la Langue, ou un des vavasseurs d'Escavalon, je crois. Oui, il y a celui qui dit, justement, la fille du roi d'Escavalon, enfin, la sœur et fille du prédécesseur que Gauvin aurait tué, que les femmes sont vraiment des choses futiles, qui sont prêtes à aller compter fleurette à l'ennemi de leur famille. Mais c'est un thème qu'on retrouve à peu près partout dans le Chrétien, en général. Le mauvais traitement qu'on trouve aussi chez Erec, qu'on trouve aussi chez Yvain, pas toujours de façon très directe ou très matérielle, comme chez Yvain. Qui est pas toujours vu comme mauvais, d'ailleurs. Le traitement de l'Orgueilleux de la Lande est un peu ambigu, parce qu'on nous dit, oh, finalement, il l'aimait bien, et puis tout ce qu'il avait besoin, c'était une bonne petite raclée, et puis maintenant, il l'a... Voilà, c'est quand on dit que c'est clairement un thème qu'on peut lire là et qui préoccupe le narrateur, mais clairement... Au XIIe siècle, les gens l'auraient vu avec des yeux très différents de nous, même si je pense que ça reste très révélateur. Je crois qu'on a à peu près fait le tour, pour l'instant en tout cas, de ce qu'on peut vous dire. Oui, en pas beaucoup plus que 2 heures, ce qui est assez impressionnant pour nous, parce que comme on était parti dans notre premier enregistrement, ça aurait été plus près de 5 heures, je pense. Oui, 5-6 heures à peu près. Donc, on a essayé de vous présenter vite le Conte du Graal. C'est une œuvre qui est fondatrice, mais qui va être particulièrement intéressante dans ses ramifications. Donc c'est clair que maintenant, vous allez nous entendre vous renvoyer constamment à celle-ci, parce que la fin est frustrante. Et on n'est pas les seuls à être frustrés. Dès qu'il a été fini, dans les 10 ans, 15 ans où il a été écrit, il a commencé à se diffuser, tout le monde voulait la fin. Tout le monde voulait le continuer, le finir, trouver une réponse, trouver quelque chose. Et c'est la volonté de compléter cette histoire extrêmement prometteuse qui va donner un nouveau jour à la légende arthurienne, qui va lui donner le portrait qu'on est aujourd'hui. Maintenant, on a le Graal, on avait la table ronde avant, et qui finalement va devenir inséparable. Aujourd'hui, quand vous pensez au roi Arthur, vous pensez, je pense, à trois trucs. Son épée Excalibur dans le rocher, qui n'est pas encore là, le Graal, la table ronde. Bah là, maintenant, on a le Graal. On a la quête du Graal qui va devenir cette quête à laquelle on va donner une valeur plus ou moins spirituelle, qui va orienter l'action des chevaliers, et qui va finalement rester extrêmement populaire jusqu'à aujourd'hui. Et donc, cette histoire, on va constamment l'invoquer les prochaines fois. La prochaine fois, on va voir justement une des continuations de Chrétien de Troyes. Comment est-ce qu'on peut continuer cette histoire? Ils vont reprendre la plume littéralement là où elle s'est arrêtée, essayer de compléter ce cycle. On va voir qu'elles ont tendance à devenir un peu élastiques, c'est-à-dire que oui, on veut trouver le Graal et tout, mais on va pouvoir insérer un peu toutes les aventures qu'on veut. On va aussi se les emprunter parmi. Ça va devenir très dur de faire une chronologie de celle-ci. Là, on commence vraiment, on va aborder des œuvres où c'est très dur de savoir dans quel ordre elles ont vraiment été écrites. Parfois, on a des influences, on ne sait pas dans quel ordre ça a été. On espère donc vous retrouver le mois prochain et les suivants pour voir la suite des aventures de Perceval et des autres chevaliers de la Table Ronde et le développement de cette littérature. Et on espère que ça vous plaira. À très bientôt. Bye bye. Toutes les deux semaines avec Yann et avec Lou, on vous parle du jeu vidéo d'aujourd'hui à travers les news, des critiques de jeux, des dossiers. On reçoit également des invités et on répond à vos questions. La cartouche, ce n'est pas toute l'actualité du jeu vidéo, c'est votre actualité du jeu vidéo. Un vendredi sur deux sur Radio Kawa. C'est La Cartouche sur Radio Kawa. Salut, c'est Eric. L'univers des comics vous intéresse mais vous n'osez pas vous y plonger? Vous êtes perdu dans la multitude de titres et d'adaptations au ciné? Vous confondez toujours Batman et Robin? Ah mais ouais, mais c'est chaud là quand même, c'est chaud! Dans Comics Outcast, avec une équipe de chroniqueurs de tous horizons, on décortique pour vous les titres sortis récemment, on revient sur des grands classiques du genre, on vous présente les auteurs et les illustrateurs qui font du bruit, on va même jusqu'à regarder les films, les séries télé et les dessins animés dans la bonne humeur et avec beaucoup de mauvaise foi. Pas de prosélytisme, Marvel, DC, Image Comics, mais aussi Dark Horse, IDW et les maisons indées, tout y passe. Il y aura forcément quelque chose pour vous. Comics Outcast, c'est toutes les deux semaines sur Radio Kawa.